Neil Armstrong est le premier à avoir marché sur la Lune. Chuck Yeager est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à se jeter sur les pâtisseries à l'accueil. Et c'est déjà pas mal, non? Jadoul, 20h-22h, sur Rire FM. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes en direct sur Rire FM et on est parti pour une belle soirée. Et franchement, ce soir, s'il y a bien une émission à ne pas louper, c'est celle que je vais vous proposer ce soir. On a prévu une tonne de séquences, beaucoup d'actualités, des faits divers, des choses un petit peu insolites qui sont passées dans l'actualité. Et également, on a une belle sélection musicale. Je vois que dans quelques instants, on aura un petit bout d'Indochine avec un été français, mais surtout Feder avec le nouveau Keep Us Apart. Oui, on m'a imposé de dire les titres en anglais, normalement j'ai dit pas. Et on a encore plein de choses, et notamment le Oshi que j'adore, c'est ta marinière. Nous sommes en direct, j'espère que vous allez bien. Et nous avons dans notre équipe, attention, oyez oyez, le voilà, voici Kylian Wolfring. Oyez oyez, matelot. Oh mon dieu, c'est possible ça? Je ne savais pas. Il faut croire. Ok, ça s'est bien passé ton émission juste avant? Très bien, très bien. J'ai entendu, bah, je pense. J'ai entendu, toi aussi, t'as bénéficié d'un nouvel habillage. Eh bah oui, eh bah oui. C'était sympa, ça, j'aime bien. Nous aussi, il a refait, nous lance que du bon. Ah ouais, là, je vous le dis aussi, on a plein de nouveaux trucs, on a des nouveaux jingles, un nouveau générique, j'adore, il m'a fait beaucoup marrer, là, je me jette sur les pâtisseries, ça m'a fait mon après-midi. C'est vrai que... Ah, j'adorais. Bien, merci à vous, en tout cas, d'être là, et pour tous ceux qui nous rejoignent, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter pour la première fois, étant donné que nous sommes maintenant en FM. Vous nous écoutez peut-être dans les bouchons, au bureau si vous terminez un peu tard, ou dans la voiture tout simplement. Si vous êtes dans la région d'Arlon, on vous embrasse et bon courage si vous êtes dans les bouchons. C'était le bisou de Kylian, voilà, il vous a été remis. Et je me présente, donc moi je m'appelle Jadoul, je suis avec vous jusqu'à 22h tous les samedis soirs, et mon équipe, elle change un petit peu de temps en temps, mais généralement on a Kylian Wolfring et on a qui encore dans la bande? On a Terence Bernard. On a Terence Bernard, Corentin Stock, et on en a encore plein que vous allez découvrir rien qu'en nous écoutant. Le numéro de téléphone pour nous appeler ce soir, dès qu'on va ouvrir le standard, sera le +32 49 9 15 75. Et en tout cas, nous, on est très contents d'être là avec vous. Et je vois qu'on va parler dans quelques instants, dans les news de la semaine, on va parler de cet homme de 58 ans qui se retrouve cloîtré dans un magasin de bricolage. Ah bah... Pourquoi pas? Ça va être sympa, on va en parler dans quelques instants, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, on est parti en tout cas pour cette soirée. On va vraiment, je pense, vous divertir et faire tout pour vous faire oublier vos petits soucis et vous donner le sourire, quoi qu'il arrive. En tout cas, Kylian, tu es très en forme, je pense. Comme chaque samedi, comme à chaque fois sur Rire FM, ça me donne tout le temps le sourire et être disponible pour les auditeurs, c'est ce que j'adore. Donc. Je signale, il y a une règle d'or, on peut même faire une alerte pour ça. Règle d'or, ici, dès que vous entrez dans cette émission, vous laissez vos soucis en dehors. Et si vous en avez vraiment de très importants, vous nous les apportez à l'antenne et on en parle ensemble. Comme ça, on vous aide un peu au +32 49 9 15 75, ou également sur les réseaux sociaux. Tiens, Kylian, il n'y a pas moyen qu'on se lance un Facebook Live, là? Bah si, pourquoi pas. Attends, on va le faire en live. C'est le principe du Facebook Live. Non, mais je veux dire, on va le faire maintenant en direct. Ah d'accord, oui. Il se fout de ma gueule, mais je disais pas qu'une connerie. Hein. Ça, c'est vrai. Ah mince, oui, d'ailleurs, je viens de dire une insulte. Voilà, 5€ dans la petite caisse à Jadoul. Donc hop, on rajoute 5€ pour Jadoul. Donc voilà, hop, je suis là. Si le stylo mâchouillé de Kylian pourrait bien écrire, ça m'arrangerait. Car Kylian, tu peux nous le dire, hein, tes stylos Oui, quand j'ai faim, faut bien prendre ce qu'il y a sous la main. Donc je prends un bic, une cartouche. Voilà. C'est vrai que les cartouches d'encre, c'est un peu plus embêtant parce qu'après on en a plein partout. Il mange des cartouches d'encre, après il s'étonne qu'il en a plein partout. Mais attends. Non, les auditeurs vont croire que je suis. Mais tu manges des cartouches d'encre, c'est vrai. Non, les stylos. Les stylos et les bics. Bah les bics, une fois que t'as mangé jusqu'à un certain niveau, tu commences quand même à avoir la cartouche d'encre. Oui, ça c'est vrai. Vous aussi, vous avez des problèmes de cartouche d'encre? Contactez-nous. Allez, vous êtes dans Jadoul, j'espère que vous passez une belle soirée en notre compagnie. En tout cas, nous, ça se passe bien. Et voici, tu connais Indochine évidemment, la base, bah un oui. Été français, l'album numéro 13 qu'ils ont sorti en 2017. On s'écoute ça tout de suite, j'espère que vous allez bien. Et Terence Bernard va rentrer dans le studio d'ici peu. On se retrouve juste après ça sur Rire FM. 20h-22h sur Rire FM. J'espère que vous allez bien, nous sommes toujours en direct dans Jadoul et là il est temps que l'on fasse toute l'actualité que l'on n'a peut-être pas vu dans ce qui est passé durant la semaine. Kylian, t'as un petit problème avec ton casque? Oui, un petit, oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas de son. Ah, t'as pas de son? Bah, c'est normal, le casque ne t'aime pas. Voilà. Voilà, comme ça c'est réglé. J'espère que vous allez bien. Donc on a maintenant l'actualité de la semaine. Si tu veux, on lance le jingle. Et d'abord, on va quand même présenter Terence Bernard qui nous a rejoint dans le studio et que je n'ai même, j'ai même pas branché son micro. Mais si, ton micro il est là. Mais je veux dire, le câble il part. C'est ce que je te disais. Mais tu peux parler, on t'entend pas. Attends. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je te disais, ben, mon micro, Thomas, mon micro. Et puis t'es là avec, ton générique. Oui, attends, tu diras après. Et oh, le jour où tu feras une émission, je pense que tu comprendras pourquoi est-ce que je te dis attends. Voilà, teste un peu ton micro. 1, 2, 1, 2. Bah, tu vois, voilà. Tu vois quand tu veux. Bon, alors, j'espère que tu vas bien en tout cas. Oui, allez. Ben, alors, je vous dis, il est arrivé, enfin, il m'a envoyé un petit message juste avant l'émission. Il m'a dit, bon, écoute. C'est pas ça, mais attends, non, on va mettre toute l'ambiance avec, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux ce qu'il voulait dire. Te moque pas de moi. Moi me moquer? Jamais. Enfin, qui se moque sera moqué. Non, alors il est là, il est pas très bien et écoute, ça va pas trop, j'ai un peu le blues là. Je pense que je n'aurai pas trop le sourire aujourd'hui, ça va pas trop aller. Je pense que si je ris pas ce soir, faudra pas m'en vouloir. Alors moi je lui ai dit, écoute, hein, tu vas pas nous embêter. Aujourd'hui tu as le sourire quoi qu'il arrive et c'est une émission d'humeur, de sourire et de joie. Smile. Donc tu es obligé de sourire. Mm-hmm. Et donc tes problèmes, quitte à ce que tu redescendes jusqu'en bas, tu vas les laisser en bas à l'accueil. Ça c'est les métiers des gens dans les radios. Voilà. Et oui, si c'est les gens le sourire. Attends, non mais si les gens sont déjà déprimés avant de faire quoi que ce soit, c'est sûr qu'ils vont pas écouter quelqu'un d'encore plus déprimé. Mais oui, c'est ça. Donc oui. Sinon ça va être très compliqué. Si vous êtes déprimé, appelez le +32 49 95 75. Voilà. Terence vous répondra. Ouais, voilà, merci. Grâce à toi, on a tout compris. Donc voilà, s'il a un petit peu le blues, on va essayer de lui remonter le moral et de toute façon Kylian est là pour veiller à ce qu'il soit toujours joyeux, n'est-ce pas? Ben oui. Et s'il est pas joyeux, tu lui fous une claque derrière la tête. Je peux? Non. Allez, on arrête de parler de ça parce que... Et on me dit que c'est trop long. Allez, on passe maintenant aux news de la semaine si vous le voulez bien. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Je vous en parlais dans le pré-générique de l'émission. L'homme qui s'est retrouvé cloîtré dans un magasin de bricolage à 58 ans. Je vous explique, le bonhomme avait des petits problèmes auditifs et il n'a pas entendu au micro qu'ils annonçaient la fermeture du magasin. Et on l'a trouvé coincé à l'intérieur d'un bricomarché à Pont de Roide, un petit magasin. Et c'était France Bleu qui nous a rapporté ça. Donc le magasin se réouvrait ses portes à 14h. Et il a donc attendu 2h coincé dans le magasin. Ça doit être le papy de Kylian. Ça. Non. Ça devait être Terence. Voici, c'est pour ça qu'il est un peu triste. C'est lui qui était bloqué dans le magasin. Ça fait la même blague que moi, bravo. Oui, c'est vrai. Allez, donc voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal ou c'est un fake? C'est juste drôle. Non, c'est juste normal, drôle. Mais voilà. Ça m'étonne pas. Enfin, ça doit. C'est vrai. Je veux dire, c'est pas improbable, quoi. Ouais, de toute façon, c'est sûr que c'est quelque chose qui doit arriver. À un moment, c'est. Ouais. Mais bon, comme dit Adoshin, la vie est belle. Mais bon, ouais. Il aurait quand même dû voir peut-être que les lampes s'éteignaient, qu'il y avait tout le monde qui partait. Enfin, je sais pas, c'est quand même... Ouais. Il y a des gens qui à mon avis, il n'avait pas que des problèmes auditifs, peut-être de des vue problèmes aussi, de vue. Quoi. Mais tu sais, à un certain âge, on remarque pas certaines choses. Et puis on oublie aussi peut-être. Ça se trouve, la lumière s'éteignait et puis à chaque fois, il oubliait que la lumière venait de s'éteindre et il se disait, bah, pourquoi je suis dans le noir? Tiens, pourquoi je suis dans le noir? Tiens, pourquoi je suis... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais comme disait ce petit bonhomme, la moindre des choses, c'était de... La politesse, c'était de demander, vous avez le temps ou vous êtes pressé? Allez, donc voilà. Kylian, ça va ton casque? Non, j'ai aucun son, j'entends juste ta voix qui parle là, en direct. Enfin, je veux dire ici, quoi. Comment ça? Oui, mais... Ah, donc t'as pas entendu la petite musique quand il se foutait de moi? Ah oui, d'accord. Léger, en fait. Ah, ouais. Ah, t'as quelque chose? J'avais. Là, on traficote en fait en direct les casques. Ça fait crrr. Oui, bon, bah écoute, on va trouver une solution plus tard. Mais je t'entends, mais c'est subtil en fait. C'est subtil. À mon avis, c'est quand tu bouges, il y a peut-être des. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ultra au point ce truc-là. Allez, on y va. J'espère que. Ça me fait rire, moi, ce petit truc-là que tu lances. Bah voilà, on lui en donne le sourire. C'est génial. Ah, je suis ultra content. C'est vrai que si je pouvais en vivre, bah, ce serait magnifique. Ce serait énorme. Ouais. Vive de mon sourire. Vive de ton sourire. Ouais. Ah, mais tu le fais déjà. Oh, c'est trop mignon. Bon, allez, on continue. J'espère que vous allez bien. Et vous pouvez réagir avec nous en direct sur les réseaux sociaux. Oui, sur la page Facebook ou Twitter, IlarFM, ou sur Instagram, ou par téléphone, au plus 32 49 95 75. 75, voilà, 49 parfait. 9 15 75, c'est. Et ça. Je te propose quelque chose. Plus 32. Oui. Je te propose quelque chose, c'est que l'on va brancher le standard, parce qu'on l'a pas encore mis en route en fait. On va le brancher le standard. Donc là, il y a les gens peut-être qui nous appellent et on les reçoit pas encore. Donc les amis, on va vous retrouver, vous inquiétez pas. On va demain, juste allumer le standard. Demain. D'ailleurs, si vous êtes sur le Facebook Live, vous voyez le nouveau logo de l'émission. C'est Jadoul 20h-22h. On a fait un beau logo comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Terence? Ça me fait un peu penser à une boisson là, tu sais, une espèce de boisson brune pétillante. Ah oui, gazeuse. Ah non, ouais non. Ça me fait un peu penser à ça. J'ai même pas pensé. Ouais, mais alors un peu loin quand même, hein, parce que non, c'est les couleurs IlarFM avec une typo un peu avec jeune. Le petit truc blanc là en dessous. C'est vrai. Bon, ah ouais. Hein. Allez, ouais. Non, moi j'aime bien. Et Kylian, ouais, moi j'aime bien aussi. Franchement, oui, j'aime bien. D'ailleurs, ça, on vous en fait gagner des autocollants. Donc, dès que vous passez à l'antenne, on vous envoie automatiquement derrière un autocollant. Voilà, donc, on le colle sur le téléphone. Bon, vous le verrez pas, mais. Non, mais on vous l'envoie, donc il n'y a pas de souci. Donc, hors antenne, on récupère votre adresse et on vous l'envoie par la poste. Comme ça, vous pouvez le coller sur votre voiture, sur vos classeurs, sur vos enfants, sur votre chien. Non, hein, t'as pro, on va dire que le chien il m'appartient. Ah oui, c'est vrai. C'est marqué Jadoul dessus. C'est peut-être parce qu'il écoute la radio, le chien, qui sait. Ouais, ça m'étonnerait. Ça on n'est pas encore. Les chiens sont pas encore dans cette technologie. Moi, j'ai regardé Boule et Bill. Ok. Non, ça passe pas. Je suis les désolé. Chiens, c'est plutôt des boules débiles, quoi. Ouais, des boules débiles. Ouais. En fait, vous faites un concours. Ça oui, se on fait un casting là, deux. Ok, dès que vous avez des bonnes vannes, vous me rappelez, d'accord? Ouais, c'est Eric et Ramzy. Eric et Ramzy, ok. Le duo, en tout cas, il a pris cher là quand même. Suivante actualité dans les news de la semaine, on a un petit jingle, une virgule. Ok, parfait. C'est dans le Tarn, une grenade a été jetée à la déchetterie. Et les démineurs interviennent carrément. Donc, un inconscient a jeté une grenade. Kylian, qu'est-ce que tu faisais dans le Tarn? Disons que j'étais en train de me faire attaquer par les guêpes. Alors, j'ai voulu toutes les faire exploser. Et donc, j'ai lancé une grenade. Et malheureusement, voilà. Mm-hmm. Et ouais, et donc, ils ont retrouvé une arme. Et il y a 6500 habitants dans cette région-là qui ont été concernés par un périmètre de sécurité qui a été mis en place pour enlever cette vulgaire. Merci. C'est parce que je voulais intervenir. Alors en fait l'arme profite d'une alerte, tu voilà. Vois. Alors en fait l'arme ça n'a rien à voir. C'est celle que j'avais dans le vide poche. C'est pour d'autres occasions au cas où je me fais attaquer, hein. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, donc le gars en fait il a même le micro il s'est retourné contre toi. En fait il a explosé le micro. Tout à l'heure dans son émission le 19h-20h il lève le bras, il a explosé le lustre. On a dû le réinstaller et tout, c'était une horreur. Et là maintenant il donne un grand coup dans son micro. Retourné, lui a montré ses fesses. En fait, le micro, il a fait une espèce de. Dis-moi, Kylian, j'ai juste envie de savoir, est-ce qu'on peut lancer une petite enquête grâce à nos scientifiques qui sont là? Mais je pense, après cette avis. Attends, vas-y, fais-moi une phrase française parce que j'ai rien compris. Bon, je. Des hommes. Ok. Des hommes. Non, c'est. Des hommes aiment votre poitrine. Mais j'ai lancé sans faire exprès, ça n'a rien à voir. Non, je disais. Merci, Ruquier. Des scientifiques se sont penchés sur ton cas, Kylian. Je pense que je veux pas t'affoler, mais tu as Gilles de la Tourette. Et Gilles de la Tourette, c'est moi. Non mais en fait il a des moments où Kylian on comprend pas. Ouais, il y a des spasmes. Voilà, des cris, mais aussi des gestes. Des fois il lève le bras, on comprend pas. Et dans la radio j'ai eu des rires. Ouais, et dans des la radio rires, on comprend il pas prend le micro, alors ça fait comme ça. Vous êtes dans le 19h-20h et je. Mais pourquoi tu ris? Je sais pas. Possédé. Donc, des fois aussi il commence des phrases et puis il les finit pas. Voilà. Comme moi aussi en fait. Donc Kylian, si tu veux, on peut appeler un spécialiste, on a un standard maintenant, donc on peut appeler un spécialiste pour qu'il puisse t'aider. Non, je me fais déjà suivre. Si, fais-le. Depuis que j'ai lancé la grenade. Ah, ça peut être drôle ça, si on appelait un psy ou quoi, on non, y en direct. En tout cas, d'ici la fin de l'émission, Kylian en est témoin. On a un énorme canular, ça fait une semaine qu'on le prépare. Ah, ça oui. Ça va être fou. On l'a concocté. Un œuf à la concoctée. Par contre, je ne l'ai pas imprimé. J'ai imprimé. Tu l'as pas imprimé? Mais t'as un gros bêta. J'ai imprimé toutes les feuilles, mais pas. Gros bêta, hop, 5 euros. Et non, bêta, ça va. Bétail, ça va pas. Oh là là. Non, mais si tu veux, j'ai encore les paroles. J'aurai votre peau, hein. Merci, madame. Ah, mais si tu veux, j'ai encore les paroles. C'est trop ma femme. Ah, d'accord. Ta femme? Tu veux te marier avec cette personne? Elle est trop excellente, elle me fait trop rire. Moi, je l'imagine avec une grosse moustache. Je vais appeler la police. Ouais, mais écoute un peu quand elle parle de toi. Regardez l'autre fou là, l'autre mocheté. Trop sympa pour non, toi. Mais il compte pas en faire un métier ou je sais plus quoi là. De quoi? Ah oui, si je pouvais en faire mon métier, attends. Oui, oui, attends, on va le retrouver. Je vais le retrouver. Il est... C'est marrant les petites bulles là. Les petites bulles, oui, c'est un écran de veille que ça s'appelle, Kylian. Voilà, Gilles de la Tourette, on y revient. Ce problème persiste. Et depuis tout à l'heure, je la regarde, c'est vrai, je suis comme toi. C'est donc, attends, je vais te le retrouver, mais c'est vrai qu'il il en a mis plein des jingles comme ça. C'est vrai que si je pouvais en vivre, ben, ce serait magnifique, ce serait énorme. Voilà, ouais. C'est ça. Ah, t'as carrément écrit toute la phrase en plus sur le truc. Bah oui, il faut. C'est bien... vrai que si je pouvais en. Bah oui. Avec comment est-ce que je pourrais me repérer points. Sinon? Attends. C'est vrai, vous t'as même mis deux fois ce parce que je bafouillais. Oui. Ce serait énorme. Oui. Bien sûr. Attends. T'es vraiment un. Merci Terence. Voilà, bon, voilà, si vous avez déjà jeté une grenade, bah parlez-nous-en. Et dans un instant, on va faire un petit point musique. Un groupe se reforme, devinez lequel. On va vous le dire dans quelques instants. Et j'espère que vous allez pouvoir le deviner. Et en tout cas, Terence, Kylian me regarde pas avec son regard. Quoi? Il est, en fait, il me regarde, ça fait une minute qu'il me fixe. Et il a rien dans son regard. C'est le regard de. Mais oui, mais. Mon casque, c'est sourd, alors j'ai l'impression d'être dans un univers tout seul, tu vois qui parle. Non, mais alors, quand il me regarde, on a vraiment l'impression qu'il me dit « Y'a quoi dans le frigo ce soir ?» C'est vraiment ça. Je vous jure. C'est comme la vidéo avec le cerveau qui fait « Nanou, nanou, nanou, nanou. » Ah oui, non, avec un petit singe dans le cerveau qui applaudit. « T'épaules, les genoux, pieds. » Ok, très bien. J'ai coupé le micro de Terence, on sera tranquille pour 10 minutes. Il me lance un regard maintenant du genre « Je vais tuer toute ta famille. » Je sais où t'habites. Ok. Quoi? Hein? Il sait où tu habites. Ah, okay. Oh là non, là. Non, il n'a pas pensé à autre chose. Toujours dans ces allusions perverses, on n'arrivera jamais à le dissocier de toutes ces phrases un petit peu dégueulasses. Bien. Est-ce qu'on peut avoir la feuille voilà. On va s'écouter maintenant, si vous le voulez bien, c'est Papercut. Tu connais, Kylian? Ouais, ouais, le Papercut. Tu connais? C'est le pain qui coupe, le Papercut. Ah non, le Pepper. On l'a autorisé la semaine passée. Une feuille qui coupe, Papercut. Voilà. C'est vrai en plus? Oui. Ah bon? Le gars, il me croit pas. Allez, Papercut. Et c'est qui chante ça? Mozambo. Mozambique. Mozambique. Non, non, ça se dit comme ça. Mozambo? Mozambo. Bah, je sais pas, c'est ce qui est marqué. J'étais persuadé qu'on disait ça autrement. Allez, c'est la bonne humeur. Nous sommes samedi et le 28 avril. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct. Il est 20h24. Bienvenue à vous. Jadoul, 20h22h, sur Rire FM. En direct toujours avec vous, j'espère que vous allez bien et que vous nous écoutez si vous êtes dans les bouchons, si vous êtes chez vous tranquillement, nous sommes samedi, vous faites peut-être quelque chose à côté, vous faites à manger, vous faites sûrement des choses plus intéressantes que nous. En tout cas, vous nous écoutez. Ah oui, Rire FM, c'est intéressant, Kylian. Oui, Rire FM, c'est intéressant, je le redis. Avec micro allumé. On est des champions. Allez, on peut repasser aux news de la semaine si vous le voulez bien. Oh oui, allez. Pourquoi pas? Tu es chaud, Terence? Ouais, ouais, ouais. Mon La Dieu. Bonne humeur est revenue. On arrivera au jamais. Galop. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et dans les news de la semaine, je vais vous parler d'un humoriste qui a réagi à quelque chose qu'a écrit un journaliste. Un journaliste a écrit un article qui s'appelle « Pourquoi déteste-t-on les beaufs ?» Et dans l'article, ils ont écrit qu'un beauf, c'est quelqu'un qui regarde le JT de Jean-Pierre Pernaut, se roule en voiture tunée, boit du pastis et s'esclave devant des blagues de Jean-Marie Bigard. Peu importe l'époque, le beauf est toujours cristallisé par le mépris autour de lui. Il incarne la figure diamétralement opposée au petit bourgeois libéré. Donc voilà, il y a peut-être des mots que j'ai pas compris là-dedans, mais en tout cas... Ça s'est pas vu, t'inquiète, pas surtout entendu. Non, donc quelqu'un a écrit cet article-là. Une tweetos a réagi, une fan à mon avis, qui a dit « Sympa pour les beaufs et surtout pour Jean-Marie Bigard » en le citant. Encore du grand journalisme ça. Jean-Marie Bigard reprend ça en disant « Hey monsieur le journaliste, le beauf, il t'en... » Voilà. Je peux le faire avec la voix. Ouais, je termine. T'es content, c'est une belle réponse de beauf ça. La tête de Kylian quand il lui a dit « Ouais, attends, je termine », il a fait... Genre désespéré. Le problème, c'est que vous êtes, je pense, l'équipe la plus compliquée de la bande FM parce que dès qu'on vous dit quelque chose, ça crée réaction. Et nous, alors, je vais terminer avec la voix de Bigard. Vas-y, fais-le avec la voix de Bigard, juste ici, c'est ça. Mmh. Eh, hey, monsieur le journaliste, le bouffe, il t'encule. T'es con, c'est une blague. Merde, pardon. Allez, 5 euros, Kylian. T'es con, c'est une belle réponse de bouffe, ça. Voilà. Donc, 5 euros. 5 euros, note-le, Kylian, parce que c'est toi qui l'as souillé. Mais non, mais c'est marqué. Ouais, mais non, je l'ai pas cité, tu le cites, tu avais pas le cité. C'est marqué. Je m'en fous. Non, ah, voilà. Ouais, 5 euros pour moi aussi, allez, 5 euros chacun, c'est bon. Note-le. Et Jean-Pierre Pernaud a également réagi à cette réaction de Jean-Marie Bigard en disant « Journaliste, il boit sans doute un peu trop le fond du fond. » Voilà. Comme ça, ils se sont tous acharnés contre lui. Toi, qu'est-ce que c'est pour toi un beauf? Est-ce que ça existe? Est-ce que t'aimes bien cette appellation, Terence? Bah, pour moi, ouais, les beaufs, pourquoi est-ce que ça existerait pas? C'est, on a inventé un mot pour ça, c'est que ça existe bien, mais maintenant, ça dépend aussi de n'importe qui. Enfin, ça dépend de comment, dans quelle culture on vit, etc. Je sais pas, peut-être qu'un beauf pour quelqu'un qui a peut-être un peu moins d'argent, qui vit déjà dans la cité avec d'autres beaufs, il aura une image du beauf beaucoup moins. Chacun a son image de beauf, quoi, chacun voilà, a sa ouais, définition. Voilà, il y a voilà. Le beauf fils, il y a le beauf frère. Non, mais. Ah ouais, quand même. Excusez-le, hein. On fait tout pour le réinsérer dans la société. Par exemple, pour un beauf, c'est quelqu'un qui est encore pire que lui, tu vois. Alors que pour quelqu'un d'autre, ben, ce beauf-là, ben, il l'est. C'est vrai que je pense que si on connaît aucun beauf, c'est qu'on en est un soi-même, je pense. Beauf, quoi. Oh. Il y en aura encore beaucoup. Je suis en train de m'acharner sur les pailles. Regarde Thomas, j'ai fait des confettis. Ah d'accord. En fait, il a pris des pailles McDo et il les a complètement déchiquetées. Pourquoi pas Je ne dis rien, je ne commente pas. Bien, suivante actualité qu'on a là sous la main, je vais vous le faire deviner. Vous allez avoir 30 secondes pour essayer de me dire de qui il s'agit. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Merci pour votre réactivité légendaire et votre dynamisme. De rien. On y va, chrono top, c'est parti. C'est un groupe qui se reforme 35 ans après leur dernier morceau. Indochine, les téléphones. Non, j'allais dire. Téléphone. Ah, non, vous l'avez pas là. Ah, les Jackson 5. Non. Non. Les Jackson 5. Bah, il est mort un peu. Bah oui. Mais allez. Jackson, il est mort. Hein. Non, non, non, les Jackson 5 se sont vite, reformés. Oui, ils sont forts. Ah, l'autre là, Trust. Non. Bah, si. Ils sont suédois. Sur les doigts. Les ongles. Allez. Les Bee Gees. Ah, mais non, ils sont ultra connus. C'est pas Tokyo Hotel. Les Simpsons. Allez, mince. Tokyo Hotel, ils sont allemands. Les Simpsons, qu'est-ce que tu parles, toi? Il s'agit du groupe ABBA. Mais j'ai dit ABBA. Je te jure, tu remets en arrière. Je pense qu'il a dit ABBA. J'ai dit ABBA. Je l'ai entendu. Remets en arrière. Mais je peux pas remettre en arrière. Bah, ne remets pas en arrière. Mais j'ai dit ABBA. Je confirme, il l'a dit. Ok, bah, je vais essayer de te faire confiance. Bon, allez, le point va pour Kylian. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je suis bête. Du coup, je vais donner le point. C'est pas bien grave. Donc, le groupe ABBA se reforme. Ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Ils sont quatre, c'est bien ça. Vous connaissez les prénoms des oui. membres du groupe? Voilà, voici leur tête, comme ça vous. Alors, il y a Abba, Ton et Chien. Mais non, il y a Abba, Ton, Chien. Non, il y a Abdoul, Babi, Baboul et Abad. Et Babouche. Ok, t'essayes en fait en fonction des initiales. Voilà. Alors, non, mais c'est vraiment en fonction oui, des initiales. Oui, c'est vraiment en fonction des mais initiales. Mais je sais plus les vrais prénoms. Alors, en fait, il y a Agneta. Voilà. Oh. Benny. Béjorn, Béjorn, Béjorn madame. Béjorn, il m'appelle Agneta. Et Anne-Fried. Mais c'est quoi tous ces noms? Ah non, Anne-Fried. Attends, ah oui, Anne-Fried. Anne-Fried. Anne-Fried, de Fred. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter pas écrire Anne-Frank. Des personnes comme ça. Bon, je vous propose donc de savoir ce qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux pour annoncer leur retour. Kylian, tu as vu sur Instagram une photo de eux, la dernière photo qui avait été publiée en 2016. C'était à l'occasion des 15 ans de leur. Ils s'étaient revus après. Oui, c'est ça, au bistrot, ils étaient au comptoir. C'est ça. Non, ils ont quand même pris de l'âge. Bon, tu vas me dire en même temps, ah ouais, il y a quelques heures de vol. 5 ans après. Dis Thomas, leur nom, c'est leur vrai nom ou c'est leur nom d'artiste? Non, c'est pas nom de scène, c'est leur vrai nom. Hein. Sérieux? Ouais. Purée, malheureusement, oui. Allez, ils ont publié quand même sur Facebook, sur leur Facebook officiel, la décision de préserver notre projet ABBA a eu un résultat inattendu. Nous avons ressenti qu'après 35 ans, ce serait amusant de nous réunir à nouveau pour se retrouver dans le studio d'enregistrement. Donc, on l'a fait. Et c'est comme si le temps ne s'était arrêté que pour une brève vacance. Une expérience fortement joyeuse. Le résultat, deux nouvelles chansons. L'une d'entre elles sera... Kylian, tu peux la lire parce que moi je ne sais pas la lire. Ah oui, c'est I Still Have Faith in You. I Still Have Faith in You, merci. Et ils sont sponsorisés par Soins et Aide à Domicile. C'est pour c'est l'âge. C'est quoi son aide à domicile? Ah, c'est pour aider les personnes. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Comme moi. Les personnes âgées. Non, les personnes âgées. Oui, je sais, mais je pense que comme et tout. Voilà. Bien. En fait, c'est un festival. je lance un regard bien froid pour lui dire qu'il vient de citer une société. Et alors, j'ai lui... fait exprès. Non, mais c'était pour revenir sur les. Ça drôle. C'était pour revenir sur les pailles McDo que t'avais dit tantôt. D'accord. Ah oui. Donc comme ça, on en a cité trois. À partir de maintenant, on ne cite plus aucune marque. Jadoul. Allez, on a parlé donc maintenant du groupe qui était en truc. Ils ont pris un peu d'âge, mais la chanson est toute neuve, donc c'est tout nouveau. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et on ne manquera pas de vous tenir au courant de l'évolution. Terence, il demande absolument la parole, je lui la donnerai pas. Je veux juste savoir si tu peux la mettre après. Parle pas dans le micro, parle pas dans le micro. Mais hein, je pensais que tu l'avais coupé, c'est pour ça. Mais je voulais juste savoir si tu pouvais la mettre, la chanson. Il y a des enfants, non, hein, j'ai s'il pas. Vous plaît. Tu l'as pas? Bah, non, ils viennent de l'enregistrer, elle sortira en décembre, c'est ce que je viens de dire. Oh. Donc voilà, au lieu de lever la main, t'écoutes un petit peu ce que je te dis. Merci Terence, c'est super pour ton investigation. On va allumer le standard, le plus 32 49 9 15 75. Oui, on est la seule émission à commencer une émission sans ouvrir le standard. On est bien doué à ce niveau-là. J'ai une petite annonce officielle que je vais vous faire dans quelques instants. Et après, on va parler d'une petite histoire de drogue qui s'est passée dans du côté studios. De l'Argentine. Non, pas du studio. Terence à tout prix. C'est vrai qu'il n'y en a plus. La police peut fouiller, tout est dans Terence. on plaisante. Coloscopie. C'est dangereux pour la santé. N'y touchez pas, c'est de la crasse, véritablement. On va parler de l'Argentine, donc avec la drogue. Je vous laisse deviner un petit peu de quoi il s'agit. En tout cas, on va bien se marrer. Voilà, si vous avez aussi envie de réagir à tout ce qu'on dit, hein, n'hésitez pas. C'est le plus 32 49 9 15 75 ou également live Facebook ou sur les réseaux sociaux. Ah pardon, Twitter ou la page Facebook. Et là, j'ai réglé son casque, t'as plus aucune excuse, Kylian. Suis un peu l'émission. Bah oui, j'ai suivi, moi j'ai cru que t'allais le dire toi. Du coup, voilà. D'accord, mais si je te fais un signe, c'est que c'est toi qui le dis. Bah tu sais, tu mets souvent les feuilles dans la tronche. Attends, et comme ça tu les as aussi dans la tronche. Gilles de la Tourette. C'est vraiment ça. Tu sais, moi je l'ai pas là, le Gilles de la Tourette. Donc, non, mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir, d'accord. Super sympa. C'est merci. Contagieux. De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas vous allez me boucher ça tout de suite. Hein. J'adore. Merci madame. En tout cas, respectez ce qu'elle a dit parce que sinon ça va vraiment aller mal pour vous. Et je vous souhaite la plus belle des soirées. Nous sommes en direct sur RFM. J'espère que tout va bien de votre côté. Et moi, je suis très content d'être là avec vous en direct. Et maintenant, on va s'écouter une musique que j'aime bien, c'est Drunk Groove. Donc, la musique de la personne alcoolisée, si on traduit en français. Allez, Kylian, c'est rien que pour toi, c'est dédicacé. Merci. Nous sommes en direct. J'espère que vous passez une belle soirée. Jadoul, 20h-22h, sur Hilar FM. Et oui, je suis là, toujours en direct avec vous, et nous avons écouté à l'instant. C'était quoi qu'on s'est écouté à l'instant, Terence? Merci de me chanter avec cette voix qui me ferait vomir un rat. C'était Drunk Groove, j'aime bien, c'était cool. C'était un petit peu... c'était pas pour te remonter le moral, hein, mais c'était quand même sympa. Ça va, notre serveur barman? Très bien, très bien. il vient de revenir d'en bas. Il est toujours au minibar, lui. Il est en bas, il nous a préparé de quoi boire. De quoi boire, effectivement. Merci Kylian. Mais de rien. D'ailleurs, j'ai une petite annonce officielle, je vous l'ai dit. Hein, et j'espère que vous avez toute votre attention. Oui. Ok. Attention, je fais sonner ma cloche. La séquence à ne pas manquer aujourd'hui, je refais sonner ma cloche. C'est le canular de tout à l'heure. Oui. Et allez, on peut donner un petit indice, ce sera avec Daniel Balavoine. Oui. Voilà, c'est le seul indice qu'on peut donner. Et je peux vous dire aussi que... Voilà, ça c'est les deux seuls indices qu'on peut vous donner. Je refais sonner une dernière fois ma cloche. Ah, merde, j'ai un peu pété la cloche, mais ça va aller. Je la referai sonner plus tard si j'arrive à la réparer. Ouais, je suis doué. Allez, on retourne dans les news de la semaine. Savez-vous que en Argentine, la police a signalé tout simplement que 400 kilos de cannabis ont disparu à cause des souris? Seulement. Donc les policiers ont accusé les souris. Ils ont dit voilà, il y a 500 kilos qui ont disparu, mais c'est les souris, c'est pas nous. C'est un petit peu suspect, je suis désolé. En fait, c'est les policiers qui ont tout pris. Voilà, c'est vraiment à ça. Partir du moment, je trouve ça peut-être possible. Je veux dire, à partir du moment où la souris a peut-être goûté au truc, elle est devenue peut-être accro, et puis ils ont fait des deals entre eux. Et puis... Non, ça se trouve, elles ont. Ratatouille. Elles ont peut-être. Cannabis quoi déjà fait ou genre en plante? Bah des choses saisies quoi, c'est les souris qui ont mangé ça, mais un spécialiste a dit que les souris n'aiment pas la drogue. C'était Jacques, et qu'il est impossible que les souris confondent du cannabis avec de la nourriture. Pourtant j'ai bien vu certaines expériences où est-ce qu'on donnait des médicaments, on testait justement des médicaments à des souris et elles devenaient addictes, donc c'est qu'elles sont quand même, elles peuvent devenir addictes à quelque chose. Je comprends, ouais. Effectivement, je sais pas si elles peuvent à 100% être addictes faudrait comme voir, les humains truc. Mais ils disent que ça c'est le porte-parole du juge qui a dit qu'ils ne confondent pas le cannabis avec de la nourriture, et que même s'ils en avaient mangé beaucoup, des cadavres auraient été retrouvés dans l'entrepôt. Et les quatre policiers devraient témoigner le 4 mai prochain. Donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même 500 kilos qui ont disparu. C'est vrai que ça fait pas rien quand même, hein. 500 kilos, c'est quand même beaucoup quand même, hein. Tu penses aux souris, elles doivent manger le plastique avant d'arriver au cannabis et manger tout le cannabis qui est dedans. Donc voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, bon, s'ils y sont arrivés, tant mieux. Dans quelques instants, la suite des actualités. On va parler de Bordeaux, ça sera le point mode de Kylian Welfring qui va nous faire dans quelques minutes. Et on va ensuite faire un petit point Le Bon Coin, justement, avec quelque chose de très insolite qui a été mis aux enchères. Ça va être quelque chose de fou, je vous conseille d'être là dans quelques instants. On va faire l'objet du peuple, si vous le voulez bien. C'est possible. On va aller mon vélo. Allez go. Mon vélo. T'arrives à faire Bourville? Ah non, non, non. Oh, non, non, non, Kylian, pas du tout. Bourville. Oh, non, non, non, non, non, non. On a volé mon vélo. Mon vélo. Mon vélo. Il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Bah, je sais le faire, mais pas dans ce personnage-là, quoi. Quand il parle vraiment un peu. Genre. D'accord. Oh, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, pas du tout. Ah non, non, non, non. T'es sûr de voir qui c'est, Bourville? Bourville, mais Bourville, mais oui. Non, pas, on parle pas de Jean Gabin. Mais si. Un oranger sur le sol irlandais. C'est quoi ça? Mais c'est Bourville était acteur, mais il avait aussi fait certaines chansons. Ah et oui, ça dont celle-là. Salade de fruits. Et j'ai un délire avec mes parents avec cette chanson parce qu'elle est totalement stupide et tellement pourrie. Et salade de fruits. Ça me fait vraiment rire. D'accord. Et on me dit que c'est trop long. Bien. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer donc à l'objet du poste. Je l'ai bien dit, c'était ça? Je me suis pas trompé? L'objet du peuple. L'objet du peuple, oui, du poste, ça c'est dans une autre émission. Merci bien. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a le petit objet du peuple? Kylian, c'est toi qui as le jingle? Rends-le-moi. Tiens. Hop. Merci, c'est gentil. Je te le lance. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit? Un god. C'est l'objet du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Kylian, reviens. Mais j'ai même pas compris pourquoi vous rigoliez, j'ai même pas vu. Attends, ça mérite une triple alerte. Ça mérite triple alerte. Attends. Tu mets 10 euros. 10 euros. Elle a pas coupé mon micro. C'est pas ma faute. Je vous explique. On regardait Terrence qui était encore sur son téléphone et qui l'est encore maintenant dans l'émission. Très pro le gars. Et je regarde Kylian et je fais, j'ai pas la feuille avec l'objet du peuple. Et j'avais pas vu que les micros étaient encore activés. Et Kylian crie dans le micro en pensant me parler dans le casque. Mais en fait là il parle à l'antenne en disant un objet personnel. Voilà. Qu'on va garder pour nous. Oui, pour nous. Pour ceux qui voudront réécouter, ça se passe sur le podcast. Pour tout le monde, hein. Ça se passe dans le podcast iTunes pour nous retrouver. Donc voilà, on va laisser cette petite expérience derrière nous. On est en FM. Oui. Si vous êtes dans votre voiture et que vous êtes avec toute la famille, on s'excuse. Donc on parlait bien du dieu. Bon, voilà. Allez, on va reprendre nos esprits. Oh là là. On en était où là dans l'émission à peu l'objet près. Du peuple. Ah oui, et toujours nulle part. Tu sais que t'avais perdu ta feuille. Et le gars, il ouvre une canette à l'antenne. En fait, non, mais Terrence, j'aimais bien soir... le bruit. Écoutez. Oh, ok. Il en a pas une dedans aujourd'hui. Donc, Kylian, t'as mis les 5 euros? Non. On avait, oui, 10 euros, t'as raison. Allez, hop là. Note-le. Mais j'ai noté. Ouais, oui, où ça? J'ai pas de bic. Allez, oh, voyons, tu... Voilà, hop, là, t'as ça, là. Ah, le voilà. Et bic, tu l'as. Bon, ok, c'est bon. On en était où? Objet du peuple, merci, c'est parti. Objet du peuple, on y est. L'objet du peuple. Et c'est parti pour cet objet du peuple un peu particulier. Kylian, je pense que l'on va le faire ensemble, comme d'habitude. Oui, donc je dis pas de conneries. Ouais. Attention, l'objet du peuple commence maintenant. Soyez prêts, le téléphone est activé. J'espère que vous êtes en route pour faire vos SMS. Plus 32 49 9 15 75 et le SMS doit commencer par Jadoul, suivi de votre réponse pour participer à ce jeu. Voici le premier indice de l'objet du peuple d'aujourd'hui. Je suis dans toutes les poches. J'espère que vous allez trouver grâce à cet indice. Kylian, pourquoi tu rigoles? Non, non, non, non, non, non, non, je pense pas. Non, que vraiment. C'est pas ça? Il m'a mimé quelque chose, mais c'est pas ça. Merci Kylian pour ce beau moment. Je risque ma carte bancaire, mais bon. Éloigne-toi quand même de Terrence. Ne contamine pas Kylian, Terrence. Mais depuis tout à l'heure, on rigole. Mais oui, mais. Mais bah, bravo, bravo, c'est très professionnel. Pendant tout ça. Que tu parles. Mais pourquoi vous rigolez quand je parle? Je sais pas ce qui nous a pris, on a commencé. Parce qu'en fait, t'avais ta main un peu surélevée comme ça au-dessus de ta tête. Et du coup, nous, on a pensé à Hitler. Donc, on était tous les deux comme ça en même temps. Et du coup, on a tous les deux rigolé. Puis après du coup, tu le regardais comme ça. Du coup, on te regardait tous les deux comme ça. C'était super drôle. Allez, 5 euros pour Terrence. Il a dit une référence nazie. ça part loin quand même, ton délire là. Hein. Ça commence à être Paul. Hein. C'est dictature. J'essaie de censurer un petit peu car cette émission était trop vulgaire à un moment. Donc maintenant, on redevient des gens corrects. D'accord ? On le met les mauvais. T'as fini, oui. C'est pas possible. Hein. Oh là là, mon dieu. Oui, c'est à moi. C'est moi qui les ai plantés. On voilà. Parle du cannabis des souris là ou Non, on va pas revenir sur cette actualité là. D'ailleurs, on vous rappelle que c'est très dangereux pour la santé. On passe maintenant du côté du petit village qui s'appelle Ichert. Charente. Non, c'est en Charente, pardon, c'est pas le village. Mais d'abord, on a le petit point mode. Ça va, Terrence? J'ai cru que j'allais m'étouffer. Voilà. Merde. Voilà. Nous venons d'assister à une erreur. Terrence ne s'est pas étouffé. Désolé pour voilà. On aurait pu C'est la dernière fois que je viens ici parce qu'à chaque fois je me fais clasher tout le temps. Ça m'énerve. Bah là, c'est le coca qui t'a clashé. Et vu l'odeur, t'as pas fait que t'étouffer. J'espère que vous allez bien. Maintenant, c'est le petit point mode de Kylian Welfring avec son actualité. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as repéré dans l'actualité pour nous, s'il te plaît? Oui, alors c'est une jeune étudiante qui a créé sa propre marque de vêtements unisex. Ah, c'est cool ça. Et donc, tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus? Eh bien donc, Margot Juranville fabrique des vêtements unisex. Elle a 23 ans. Et donc, cette étudiante bordelaise y voit des avantages pratiques et économiques. Elle espère récolter des fonds grâce à un financement participatif pour son projet. D'accord, et si on veut retrouver sa marque, on la trouve où? Alors, sa marque, on la retrouve un peu partout. Ça, c'est la phrase du mec qui cherche dans l'article. Voilà, le mec chiant, quoi. T'as préparé ton truc? Pas comme d'habitude. Ok, donc ça veut dire qu'il a rien fait. Comme ça, on est fixé. Si, mais on peut sur untilcollection.fr. Untilcollection.fr pour avoir un petit visuel de ce qu'elle fait. Et donc, en termes de projet, de concept, qu'est-ce que l'on peut dire? Elle a lancé un crowdfunding, je pense, c'est ça? Oui, un crowdfunding. Et c'est dans quel intérêt? Alors, c'est pour financer ses t-shirts et pulls Made in Aquitaine. Donc en fait, elle monte le projet grâce à des dons que les gens font en ligne, c'est ça? Oui. Et donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette jeune fille qui a lancé cette marque? Non. Non? Non. Merci. Alors, bon allez, je vais vous lire parce que je suis généreux, hein. Je vais faire mon article, alors je vais vous le lire gratuitement. Oh. Le Made in Aquitaine, ça a un prix. Et l'étudiante bordelaise en master 2 entrepreneuriat, précise tout de suite que son idée n'a rien à voir avec le contexte actuel sur l'égalité des sexes. On dirait ma prof de maths, quoi. Je ne suis pas féministe. Oula, avec un accent de mec. Mon but n'est pas de faire porter des jupes au contexte actuel sur l'égalité des sexes. J'ai rien compris. Moi non plus. Le bug actuel de God de sexe. Crache un coup par terre et revient. D'ailleurs, au travers de sa marque Until Collection, elle ne propose que des t-shirts à 49 ou 65 euros et un pull à 80 euros. Ok. Voilà. C'est tout ? Oui. Ok, c'est super. Voilà. Enfin, super, super, oui. Je vais aller acheter un pull, tiens. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai une idée. Oui. Si avec le nouveau logo qu'on a là, que vous voyez dans le live Facebook et aussi sur les réseaux sociaux, on va les mettre bientôt aussi dans les pages et tout. Si on faisait des t-shirts comme ça, ce serait cool, non? Ouais, t-shirt, franchement, il serait trop... Perso, il serait trop stylé. Moi, ouais. Si tu me fais un pull avec ce logo dessus, je le mets. Ouais. Sans mentir. Ouais, mais on va voir ce qu'on peut faire en termes de vêtements et tout. On va ouvrir une espèce de petite boutique en ligne. Et tu mets le pull en couleur noire. Avec écrit en blanc ou en rouge, tu le mets en rouge avec écrit en blanc dessus. Ouais, et t'enlèves juste le 20h, 22h, vous écoutez genre juste Jadoul comme ça avec un point d'exclamation, ce serait trop stylé. Et le mec il va prendre la grosse tête. Non, mais en même temps ça fait de la promo, et puis même sur un t-shirt, je trouve que le design est sympa, donc ce serait sympa. On va noter ça, on va proposer ça en réunion de prod demain. En capuche, en casquette, tu me fais comme des chaussettes, des chaussures. Quand vous irez sur jadoul.fr, vous aurez une petite boutique comme ça, tous les gens qui écoutent la radio pourront se reconnaître entre eux, ce serait marrant. Voilà. N'oubliez pas, si vous voulez avoir un petit autocollant d'émission. Ou un petit bracelet peut-être, non? Ça coûte peut-être une moins cher. Et puis, si vous voulez une laisse pour retenir ça, ça coûte moins cher de faire des laisses avec des bracelets. Peut-être moins cher un bracelet, tu sais, comme dans les balles ou t'as quoi. T'as entendu ce que j'ai dit? De quoi? Ah bah voilà. Non, j'ai pas entendu. Ça coûte moins cher pour nous de faire des t-shirts que de faire des bracelets. Sérieux? Oui, bah je te jure. Oui, parce que Thomas sait pas tricoter des bracelets. Bah quoi qu'en fait. Oui, je tricote moi-même les pulls. Tu sais, imagine, j'arrive là. Aujourd'hui, nous allons tricoter des pulls ensemble en direct. Et aujourd'hui, nous allons aussi faire des bracelets ensemble. Et aujourd'hui, cours de couture avec Kylian Wolfring. Hey, allez, voilà. Donc, si vous avez des petits cours de couture à nous donner, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Bon, Kylian, qu'est-ce qu'il faut le standard? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas toujours? Il y a des bulles, il y a l'écran de veille. Tu veux que j'aille le chercher? Attends, je vais aller chercher le standard, ouais. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Une claque? Oh là! Oh. Un bel petit. Un bel. Ah, c'est français ça. Un bel, ok, très bien. Un bel petit écho, je voulais dire. Ok, c'est gentil, merci. Encore une fois, tu as fait un défaut qu'on a évoqué en réunion de prod. Franchement, aujourd'hui, vous faites un strike. Hein. Je sais pas ce que vous avez, mais vous faites un strike. Nous allons nous écouter un petit titre. Vous connaissez évidemment la base, j'ai envie de dire. Il s'agit de Ma feuille est encore perdue. De notre ami Calvin Harris. Calvin Harris, oui. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Mais parce qu'il dit rien. Mais qu'est-ce que je dis? Je connais. Ah bah oui, je connais. Merci. Eh ben c'est pas lui qu'on va écouter. Excellent. On va écouter Feder. Oui, je connais. Merci. Feder. Des ours. On a énormément de mal aujourd'hui, mais en tout cas ça va. La soirée va avancer. On fait comme on peut. On essaie d'avancer et ça va aller. J'espère que ça va bien de votre côté. 20h55. On a encore une heure ensemble. On va bien se marrer et on sera toujours là pour vous faire marrer le samedi en direct. Sur Hilar FM. Et on était en plein dans les actualités de Kylian, qui l'a terminé d'ailleurs avec ses vêtements, et on a parlé des vêtements de Jadoul, ça c'est fait, ok, on coche, c'est bon. J'en étais où moi de mon côté? Quelqu'un a mis aux enchères un truc complètement improbable. Et avant de passer à la question de la semaine, je vais vous en parler parce que c'est quand même fou. La question de la semaine parlera des séries. Si vous êtes quelqu'un qui regarde des séries ou qui est addict à ça, dites-le nous par chat, par les réseaux sociaux, peu importe. On lit tout de toute façon. Kylian est notre community manager, n'est-ce pas? Eh ouais. Le community manager, qui est évidemment moi. le point central de toutes les réactions de cette émission, avec le hashtag... Le hashtag Jadoul. Merci. J'allais dire une bêtise encore, mais je vais autant m'abstenir. Voilà, on est d'accord. Bien, c'était insolite et c'est le deuxième bien que ce type de département met en vente depuis quelques mois. Le prix, pour l'instant, c'est 119 900 euros. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ? C'est un bâtiment. Ben voilà. Qui coûte, redis le prix. Qui coûte 119 900 euros. 119 900 euros. Et c'est en Charente. C'est un truc connu ? C'est un bâtiment public. Ah, c'est mon abri. Une abbaye. Une abbaye. Une église. Allez, je vais lancer un compte à rebours de 30 secondes, comme ça vous donne un petit peu. En Charente-Maritime. Non, en Charente. Un restaurant. Et c'est à Marton. C'est un petit village. Une mairie. Est-ce que c'est un monument. C'est pas une mairie. Religieux. Est-ce que c'est pas religieux. L'hôtel de ville. Non, pas l'hôtel de ville, presque. La commune. Bah, un hôtel tout court. La mairie. Ah, bah non, il l'a dit. Quel coup. Bête. Allez. La police. La police, la gendarmerie. Bonne réponse, Terence. Donc, c'est la gendarmerie. Un point chacun aujourd'hui. Bah, décidément, vous êtes plutôt pas mal en termes d'actualité. Le département a décidé, il y a quelques jours, de mettre en vente cet établissement réservé pendant longtemps aux forces de l'ordre dans cette petite commune de 600 habitants. Elle a été fermée en 2016 et, je cite, « la collectivité n'en a plus usage aujourd'hui et elle préfère donc donner une seconde vie à ce bâtiment », selon Sud-Ouest, le journal, évidemment, de la région. Donc, est-ce que vous êtes assez pour acheter une gendarmerie? Si j'avais l'argent, ben ouais, ça dépend. Je peux voir la taille du bâtiment et tout, mais pourquoi pas. Allez, maintenant on va faire un petit point avec Stéphane Plaza là, qui est avec nous en direct dans le studio. Kylian Wolfring qui a regardé Stéphane Plaza toute l'après-midi. Ah oui, c'est vrai. Non, je suis en train de me dire, c'est qui déjà Stéphane Plaza? Mais oui, mais maintenant que tu me le dis. L'agent immobilier de M6. Oui. Ce que j'aime pas trop. Tu sais l'imiter? Disons, si tu veux je fasse comme dans l'émission, oui. Dans l'émission. Ah, d'accord. Bon, imaginons que ce soit un appartement, hein, voilà. Voilà, ouais, c'est un appartement. Bonjour monsieur, c'est quoi ce bien ? Bonjour, voilà. Moi je trouve que l'espace est vraiment très bien. C'est vrai, bon. On devrait déplacer quand même le meuble. Parce que le meuble fait un peu trop grand par rapport au mur. Voilà. Il fait un peu trop grand. Il fait tout le temps des trucs comme ça, ouais, tu l'as bien fait. Ouais, ouais mais c'est un mélange de Valérie D'Amido avec je vais mettre des paillettes partout, ouais. On va remettre de la peinture sur nos murs. Christina Cordulia. Christina Cordulia. Bah, avec l'accent, je sais pas le faire l'accent. Christina Cordulia. Tu sais le faire, je pense. Non, je sais plus le faire. Je sais plus comment. Je pense, tu es magnifique, ma chérie, j'adore. Le mec, on dirait que c'est sublime. Audrey qui nous vend du poulet. Je pense. Il m'a dit une babette. Qu'il veut prendre du poulet, mais il est pas sûr. Voilà, donc c'est l'actualité en rapport avec cette gendarmerie. Si vous êtes assez fou pour acheter cette gendarmerie et que surtout vous avez le budget, ben, je vous en prie, il y a quand même 625 mètres carrés de surface. Bah voilà, et c'est il y a quand même 9190 mètres carrés, 190 pour ceux voilà, c'est énorme. Qui a comme terrain constructible en vue dégagée. Donc si vous avez mais c'est énorme. C'est, ouais, bah c'est pour le prix, franchement, ça. Et si vous avez des enfants, vous pouvez les mettre en prison, voilà, parce qu'il y a certainement des petites cellules. Si j'étais Donald Trump, je ferais un camp de concentration là. D'accord. Merci Terence. Merci Terence. On peut compter sur toi pour mettre 5 euros. Allez. Et Kylian, j'aime bien, il prend son bic et fait hop, elle note. Ah, moi j'aime ça. Bien. Comme une team manager. Pour ceux qui nous rejoignent, à chaque insulte ou à chaque référence un petit peu trash, on met 5 euros dans la boîte, il a référence. Référence ou référence. Hein, Que vous pourrez gagner en fin de saison, bien évidemment. Et il y a déjà des intéressés, faites attention. Des visites sont bientôt prévues, peut-être pas avec Stéphane Plaza. Et des potentiels acquéreurs pourront ensuite acquérir du 11 au 15 juin prochain pour devenir le nouveau propriétaire de la gendarmerie de Marton. Donc voilà. Marton. Si. Bah te moque pas. Marton. Marton. T'as vu tout ? Ah, Marton. Marton, non. Ouais. Non, bah ça va, on embrasse tous les Martonnais. On dit. Martonnais. Mais il y a des gens qui s'appellent Rala. Non, le nom que tu m'avais dit tout à l'heure. Je ris. Pas 5 euros. On est plutôt pas mal. Eh, mais il parle en antenne carrément. Là, c'est quoi cette chose? Je sais plus c'est quoi le nom. Parce qu'il m'avait dit, il m'avait parlé d'un ami à lui qui avait un Rada, de ses noms. Radu. Le mec, il s'appelle Radu. Ah ouais, d'accord. Non, Rada, non, c'était Rada. Non, Radu. Oh purée. Mais okay. Même, c'est quand même. Mais c'est comme quand tu mets ton pantalon, tu le mets au Radu. Ouais, voilà, bip. On a tellement de moyens qu'on fait les bips nous-mêmes ici. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'actualité. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez eu également des choses à nous dire, n'hésitez pas. J'ai un truc à dire, moi. Oui. Si tu pouvais éviter d'étaler toutes tes feuilles sur mon bureau. Mais non, je les donne pour que vous les jetiez. Vous êtes plus près de la poubelle. Ah ouais, c'est notre femme de ménage, quoi. Super. Voilà. Ok, bon, j'ai raté. Ça fonctionne pas. J'en peux plus. Mais c'est quoi cette fine équipe? D'ailleurs, il y a un jingle. La semaine prochaine, faut pas louper l'émission. On commence par un générique qui vous définit parfaitement. Ah bon? Ça va être excellent. Comme Terrence est arrivé un petit peu en retard, on va repasser le générique, comme ça il entendra juste après la musique. Mm-hmm. Franchement, ça vaut la peine. J'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Ouais? Oui. Ah bah ça va alors. J'entendais que la moitié, mais j'aime bien. On va s'écouter un titre qui me fait penser à quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps et qui est venu sonner à TMS lundi, je pense. Le Père Noël. Vous connaissez Hoshi? Sans jeu de mots. Nice. Hiroshi. Ok. Et donc, Kylian? C'est la fille? La fille. Ok. C'est le truc avec les poissons. Enfin, non, Avril. Ah? Te dégouffe pas d'un fil. Voilà, tu rendras amoureux ton miroir. C'est les paroles. Donc, ça s'appelle comment? Okay. Le titre, allez, le titre. Mais en avril, non. Non. Mais je l'ai vu encore tantôt. Allez! Oshi. Ta M. Vas-y, ça va? Mais non! Ta. Hop, 5 euros. Non, j'ai pas dit. Ça commence par M. A. M-A. Margarine, non, allez. Martine. Kumba, non, allez. Ma Kumba. Allez. Ma. Radu. Une idée, Terrence? Non. Allez. Oh mince, c'est ta marinière. Maintenant qu'on s'écoute à 21h06 sur Hilar FM, j'espère que vous allez bien. C'est Oshi sur Hilar FM. Ah, toi aussi. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Vous êtes dans Jadoul, j'espère que vous passez une belle soirée. Nous sommes en direct et c'était Oshi, j'adore, je suis complètement fan de cet artiste. Et longue vie à elle, j'espère que ça va faire vraiment le tube de cet été, enfin, du moins que ça va tourner dans les radios. Vous êtes dans Jadoul, j'espère que vous passez une très très belle soirée à notre écoute. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Alors, je dois faire un petit point info, car Terrence vient de me communiquer que ARL ne diffuse pas. Alors, je vous explique, c'est bien simple. ARL, on ne sait pas ce qu'ils font, mais c'est un petit peu la galère. Si vous voulez, on va tester de les appeler avec notre standard. Notre standard téléphonique qui est tout nouveau. Yann, est-ce qu'il fonctionne? C'est ma question. Oui, en sachant que je suis community manager. Ok, alors on va essayer de retrouver quand même le numéro de téléphone de... Terrence De l'ARL, la radio, pour essayer de savoir ce qui se passe. Voilà, ORL. Parce qu'on n'est on est pas rediffusé chez eux, je comprends pas pourquoi. Je vais essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça me dit? Ah ok, en fait samedi, ouais, oui, c'est aujourd'hui. Il manque un truc. Donc il n'y a pas de souci, on verra ça dans quelques instants. Sur ce temps là je vous propose qu'on passe à... J'ai une info amusante peut-être à vous faire partager. Ok, bah c'est parti. C'est un père de 9 ans qui apprend qu'il est stérile. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. On t'a carrément mis un jingle, j'espère que ça vaut la peine. Ouais, c'est un père de 9 ans qui apprend qu'il est stérile depuis toujours. Donc je vais expliquer. Alors qu'il se rendait pour une simple consultation chez un neurologue, le stupeur fut grande. Originaire de Sidi Slimane, une ville nord-ouest du Maroc, un homme a appris qu'il était stérile. Problème. Sérieux? Je t'écoute? Mais t'as coupé mon micro. Mais je vais pas couper ton micro. Pardon. Ah, mais le gars, il est parano. Non mais à chaque fois tu fais ça, ça m'énerve. Donc, originaire du Sidi Slimane, une ville du nord-ouest du Maroc, un homme a appris qu'il était stérile. Problème, il croyait pourtant être le père de ses 9 enfants. J'étais en train de boire mon café. Ce qui devait être une simple consultation chez un neurologue s'est transformé en un véritable cauchemar pour un enseignant marocain, comme l'explique le quotidien marocain Al Masser, a repris par Closer. Marié depuis 35 ans, cet homme... Mais arrêtez! Je parle! Je le brief sur la suite de l'émission, il n'y a aucun souci. Vous me perturbez! C'est facilement perturbé. Marié depuis 35 ans, cet homme est également le père de 9 enfants. Pourtant, lors d'une banale visite médicale, ce dernier apprend qu'une varice atteint son testicule droit depuis près de 50 ans. N'ayant jamais ressenti la moindre douleur, il ignore tout de ce handicap. Le médecin lui apprend alors que cette varice le rend infertile. Il demande le divorce. L'homme comprend rapidement que sa femme le trompe depuis de nombreuses années et lui fait croire qu'il est bien le père de ses enfants qu'elle a mis au monde. Face à une telle situation, il a déposé plainte auprès du procureur du roi afin de demander le divorce. Visiblement, il avait déjà émis des doutes quant à la fidélité de sa femme, mais il n'avait jamais imaginé un tel scénario. Mais juridiquement, c'est quand même abominable. Quand vous êtes père d'un enfant que vous croyez être le vôtre depuis des années, qu'est-ce que vous pouvez faire comme démarche judiciaire pour... Parce qu'il y a aussi la question, est-ce que le père qui n'est pas véritablement le vrai père, est-ce qu'il a le droit d'avoir une garde des enfants? Bien sûr, il s'est occupé d'eux depuis toujours. Oui, mais si l'autre père est là, le vrai père biologique. Mais lui, il a jamais été là. Donc, légalement, enfin, je veux dire, pour les enfants, c'est, je pense que c'est aux enfants de choisir à partir du moment où ils sont attachés au vrai père, enfin, au faux père. Enfin, je veux dire, à partir du moment où les enfants sont attachés au faux père et que c'est lui qui s'est occupé d'eux comme d'un vrai père, alors que l'autre n'en a jamais rien eu à foutre, je pense que c'est à lui quand même d'avoir la garde. Un père, c'est pas juste mettre au monde, hein. Un père, c'est s'occuper aussi des enfants. Tout à fait, voilà, d'accord avec toi. Par exemple, ma sœur, qui est en vrai ma demi-sœur, mais elle reste ma sœur, bah, elle a aussi été éduquée par mon père, et c'est pas ça qui fait qu'elle aille revoir son ancien père, enfin son vrai père, je veux dire. Ouais. Son vrai, en gros, maintenant, son vrai père, c'est mon père. Que c'est celui qui l'a élevé. C'est lui qui l'a élevé. Quand j'imagine mon père, quand moi je pense à mon père, je vois pas simplement le mec qui m'a mis au monde. Je pense directement. Je pense au mec qui était autour. C'est vrai. Je pense au mec qui a énormément de courage, qui tous les jours me réveille pour aller à l'école, qui me fait mon sandwich, qui s'occupe de moi, qui m'apprend, pas qui m'a mis au monde. Non, en parlant de sandwich, je suis désolé, il faut que je fasse un break. Cette nuit. Il abuse lui et ses sandwichs. Grosse bouffe. J'ai eu un réveil un petit peu compliqué. C'était à 3h du matin. Je me suis réveillé, j'ai fait. J'ai faim. J'ai vidé mon frigo. J'ai fait un triple, quadruple, cinq, quintuple sandwich avec tout ce que j'avais dans mon frigo. Même des choses qui ne sont pas prévues pour les sandwichs, ils sont passés. Les chaussettes, les slips. Je me suis empiffré, mais comme un porc. Et après, je me suis recouché. Mais bizarrement, j'ai bien dormi après. Hein. Ah, mais ouais! Tu sais que quand on dort, quand on mange juste avant de dormir, on dort beaucoup mieux. Oui. C'est vrai? Bah oui. C'est pour ça que je suis gros. Parce que tu digères, du coup, ça te fatigue et donc tu dors beaucoup mieux. Ah non, généralement, moi, quand je mange, j'ai du mal à dormir après parce que j'ai l'impression que je vais vomir. Moi, c'est le contraire. Si je mange pas. Non, moi, j'ai pris la mauvaise habitude de manger toujours avant d'aller coucher. Genre, je suis obligé de manger un sandwich juste pile avant de monter. Parce que sinon, après, j'ai l'impression que j'ai le ventre vide et que ben, c'est mort, quoi. Merci, Terence. On va pas relever. Non, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que vous avez pensé là encore? Bah, rien. Juste avant de monter, tu fais ce que tu veux. Bon, ah oui, ok. 5 euros. Allez. Ah non, je rêve de vulgaire. C'était une petite allusion, c'était bien placé, c'était propre. À boule, c'était propre. Mais c'est bon, je l'ai fait. T'es sérieux? Tu me mets une croix? Ah bon, c'est pas parce que t'es animateur radio que tu peux pas faire de faute, hein? Hey, sérieux? Moi, tu m'as mis. Attention. Non, mais bon, c'est bon, ok. Voilà, hop, là c'est pour moi. Alors que je lisais un article qui était marqué. Ouais, mais bon. Merde. Moi, j'ai fait l'effort de censurer, hein, voilà. Bien, je vais essayer de contacter ARL en direct avec notre standard que j'ai jamais testé de ma vie. Comme ça c'est dit. C'est toi qui l'as dit. Je sais même pas quel est le numéro de ARL, donc ça va être la grosse galère. C'est plus 32 cas. Ah non. Non. Hop, c'est peut-être celui-là, attends. Appel de 31 secondes, ça m'étonnerait. Au pire, je les essaye tous. Mais allô, c'est Nicolas. Oh oui, il va retomber sur son ex, tu sais. Allô, oui, c'est ARL. T'as même oublié mon nom, con. Hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Terence? J'ai même pas dit le mot. Hein. Non, je me suis arrêté au milieu pour pas débourser 5 euros. Au milieu, ça ne fait... me bip pas. Okay, non, c'est bon. Le milieu, ça dit déjà con. Alors dedans il y a non parce que non parce qu'après il y a A donc ça fait Kona donc ça, voilà. Ah je pense que je l'ai. Attendez. Voilà, je le mets dans le standard. Hop. Et j'essaie de les contacter en direct. Je n'ai jamais testé ce dispositif de ma vie. Voilà, donc restez en ligne, c'est la NASA ici hein, je vous le dis. Ça va être un grand test ici en direct. Ah, attendez, le micro ne fonctionne pas, donc ça ne fonctionnera jamais. J'ai entendu. Non, oui, mais peut-être que tu l'as entendu là, mais nous, il ne recevra pas notre son à nous, donc il entendra du blanc. Donc ça serait pas top pour lui. Oh, je sais pas, je pense pas. On va régler ça alors en antenne. On va faire des petits essais. Si vous entendez quelqu'un qui parle à l'antenne, c'est normal. On fait nos petits essais en direct, c'est ça qui est cool. Donc voilà. ARL nous diffuse pas, donc je sais pas ce qui se passe. On va avoir avec eux une grande discussion. Écoutez, on va mettre les points sur les i. Écoutez, on a Terence avec nous, ça va chier. Ok, j'ai marqué. J'ai bu du coca, faites attention. Voilà, ça fait encore 5 euros pour Kylian. T'as noté, ça t'a fait la croix. Hey, pour Kylian. C'est moi qui ai fait la blague, mais c'est Kylian qui va débourser 5 euros. Oui, mais c'est lui qui a dit quelque chose de vulgaire. Tu t'en rends même pas compte. Il a dit il y a Terence avec nous. Mais il a pas encore mangé, bientôt il va manger. Puis il a juste dit il y a Terence avec nous. C'est pas vulgaire. Non, j'ai dit autre chose de méchant. Enfin, de méchant, non, pas méchant. Une grosse. En façon, je vous écoute même plus, moi. Quand vous m'insultez, maintenant ça fait bruh, bruh, bruh. Oui, je ne relève même plus. Allez, c'est parti, on passe maintenant. Maintenant, à notre grande séquence, c'est la question de la semaine. La question de la semaine. Et dans cette question de la semaine, on va vous parler des séries. peut-être que vous regardez des séries de votre côté tous les soirs où vous pouvez pas vous empêcher de vous faire 20 épisodes d'affilée. Peut-être que vous attendez les fins de saison pour vous faire tous les épisodes d'un coup, ou vous attendez le jour de la sortie pour absolument regarder votre épisode. C'est peut-être possible. Donc parlez-nous de vos séries, +32 49 9 15 75, également les réseaux sociaux. On a reçu pas mal de messages privés quand j'annonçais qu'on allait parler de ça. Et donc je vais faire un petit tour de table pour savoir si vous regardez des séries, Terence Bernard. Moi j'en regarde, oui, mais ma sœur c'est encore pire. Mais bon, là je vais parler de moi. Ouais, je regarde Prison Break, Casa de Papel, j'ai commencé. Il y a un truc avec les chevaliers. Oh purée, Game of Thrones, excusez-moi. Ouais. Shadowhunters est la meilleure série, franchement je vous la conseille vraiment, elle est pas connue du tout, quand j'en parle personne ne le connaît. C'est Terence Bernard. C'est non, de OA, vraiment, elle est sur Netflix. C'est une série, franchement on pourrait même pas la classer dans un genre en fait, elle est tellement particulière, elle a tellement propre à elle, mais c'est une super belle série. C'est magnifique, c'est de la poésie. Voilà. OK, très bien. C'est noté. Donc ouais, et à quelle fréquence tu regardes tout ça ? Les séries, ben disons que tous les soirs, en fait, vu que ma sœur, par contre, c'est une addict de séries, elle ne fait ça que ça toute la journée. J'ai l'impression que si tu lui enlèves le Netflix, en fait, elle a plus de discussion, ouais, elle Netflix, a plus de vie, et elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Voilà. Netflix ou un autre service en VOD, et donc. Et ben, là maintenant, on lui retire Netflix. Elle est H24 sur MG Streaming, quoi, des trucs comme ça. Un site qui n'existe pas. Très bien. Et donc je regarde tous les soirs avec elle. Ouais. Tous les soirs, au moins un épisode ou deux. Et toi, Kylian ? Tu me demandes si je regarde des séries, oui. Séries. 10 ouais. séries, est-ce que je te regarde? Oh non, oh mon dieu. Oh mais c'est pas possible. Oh, c'est... Comment tu peux faire cette vanne là, sans déconner? Attends. Bonne question. Ah, bon ok, bon même série. Bon, série. Et donc des séries télévisées ou web, est-ce que t'en regardes? Oui, 10 séries, oui. Non. Ah oui, oui, Terence d'ailleurs, il a joué dans une série très amateur là, ça s'appelle comment? Rocco Siffredi. Ah non, j'ai pas le droit de dire encore. T'as pas le droit de dire. Tant qu'elle est pas sortie, j'ai pas le droit de dire. Elle est pas encore sortie? Mais non. Ils ont fait l'avant-première. Ils ont tourné ça il y a combien de temps? Ils ont tourné. Mais en fait, c'est le clip d'Abba. Je le savais. 35 ans. Donc c'était non. Quand mais j'ai commencé le premier épisode quand j'étais en 6e primaire, donc il y a super longtemps, mais c'est parce que c'est des bénévoles qui ne travaillent que forcément le week-end, qui n'ont pas forcément... Et comme ils peuvent. Non, vraiment, mais c'est surtout la post-production en fait, parce qu'en fait on fait tout sur fond vert, du coup... C'est la météo le bordel. Écoutez, on fait tout sur fond vert, mais en fait, si tu veux, on arrive à nous foutre la nuit alors qu'on est le jour. Oh non, mais sérieusement, bon, j'arrête, il m'énerve. Non, je peux pas en placer une, tu es toujours obligé de m'interrompre, ça m'énerve. Kylian... Non, on a tourné dans un truc, par exemple dans un champ. Il a réussi carrément à foutre ça la nuit alors qu'on était le jour, mettre un mur à côté, de l'eau qui passe, mais est-ce que et des immeubles derrière. On a été carrément à Los Angeles alors qu'on a tourné ça dans un champ. Et ouais, clairement c'était crédible, ça le faisait vraiment. Ah ouais. Donc les effets spéciaux sont vraiment vraiment vraiment bons, mais le dialogue. Vu que le mec, non, les effets spéciaux sont super, mais vu que le mec travaille tout seul pour les effets spéciaux. Il est seul pour faire les effets spéciaux, ils sont pas plusieurs, il est tout seul pour faire tout ça. C'est le réalisateur en fait qui fait lui-même les effets spéciaux, etc. Et en plus de ça, il a pas forcément que cette série-là à s'occuper, il a aussi d'autres choses, d'autres projets. Ça prend énormément de temps. Est-ce qu'il a déjà fait quelque chose qui est sorti? Oui. Bah oui, ah, oui. Il a d'accord. plusieurs courts-métrages, des plein. Ouais, franchement, tu pourrais aller regarder, il y a plusieurs courts-métrages. Non. Non, mais nous, par exemple, on dit tout, on est à TMS Prod, sur le plateau C qui est juste à côté, on a un fond vert qui fait 4 mètres sur 5, un truc assez énorme, quoi. Et on peut faire des trucs fous. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à dire quand on fait des trucs sur fond vert, même si on manipule très bien cette technologie-là, le fond vert reste le fond vert. Et on dirait pas que. Lui, quand il le fait, en fait, on dirait même pas qu'il y a un fond vert, quoi. Alors que c'est vrai que moi, j'ai déjà essayé aussi de l'utiliser, ben on le voit quoi directement. Et enfin, ça se voit en général si on sait pas vraiment le manipuler. Oui. Et lui, il apprend tout seul, il a pas vraiment pris de cours non plus, il a pas fait d'études de ça. Il fait ça quand il a le temps parce qu'il a quand même un métier aussi à côté, donc ça prend énormément de temps. Et il s'appelle Thomas Jadoul. Et là, ça fait. Ouais. Non, et là, ça fait une saison. Ça bien. Là, on a fait. Non, là on a déjà fait. Enfin, ils ont déjà une saison. Ils font la deuxième pour pas, parce que ça, t'as vu le temps qu'ils prennent pour faire une saison. S'ils la sortent direct et que les gens veulent déjà la deuxième saison, ils ont et qu'elle tourné sort pas, plusieurs et... saisons. Quoi? De FH, la série. Ils ont tourné plusieurs saisons. Ils en ont tourné une jusque maintenant, ils tournent la deuxième. Oui. Ah, ils tournent la deuxième. Mm-hmm. La première est sortie. Non, non, elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas encore sortie, mais il y a pas mal d'épisodes quand même. Ah, ben je n'en doute pas. Et donc là, maintenant, je vais jouer même le rôle principal, parce que en gros, l'acteur, je jouais le rôle de l'acteur principal, mais enfant. Tu sais, comme Batman Begins, au départ, il vient, ses parents sont tués. L'enfant, on le voit deux minutes à l'écran, mais ça a quand même de l'importance. Là, maintenant, ce mec-là, il est parti à Hollywood. Du coup, en fait, on refait un flashback dans son passé d'enfant, et du coup, ben, je rejoue. Ben, du coup, je jouerai assez souvent, quoi. Ok. Donc là maintenant, voilà. D'accord. Bah, intéressant. On sera ravis de voir ça à la sortie en 2032. Donc, on sera là. Si mais ça se voit, qu'il déteste quand même cette entreprise. Hein. J'ai rien dit. Il a horreur en fait de ce réalisateur. Il a une dent contre lui. Il peut pas s'empêcher de le dénigrer. C'est un truc de fou. Non, du tout. J'ai rien contre ce monsieur. Fais genre. Tu m'as toujours dit que tu détestais l'entreprise. On ne citera pas. On va pas non, non plus en raconter des secondes d'antenne. Non mais. Pour être tout à fait honnête, et là je promets devant tous les auditeurs que je n'ai rien contre les gens qui y travaillent. J'ai juste quelque chose contre leur méthode de production. C'est juste ça. Qu'est-ce qu'elles ont, leur méthode de production ? Mais c'est que on comprend pas. Ils tournent des choses, ils mettent un temps fou. Bah alors je dis pas, ok, s'ils travaillent sur le prochain Spielberg, j'ai aucun souci. Mais à partir d'un moment, s'ils ont tourné ça, quand t'étais en 6ème, donc ce qui remonte quand même à il y a 5 ans. Mm-hmm. Ouais, bah. Mais l'épisode est fait, hein. Le mien, tous mes épisodes sont faits, etc. C'est juste que là maintenant, on tourne d'autres, ils tournent d'autres choses, ils ont d'autres projets. Comme je te dis, ils sont bénévoles, donc enfin voilà. Mais attends, écoute, nous ça fait. Ça, écoute, un clip par exemple, ils font des clips aussi pour certains chanteurs. En deux jours, il est fait, le clip, il est sorti, hein. Mais, ils ont fait un court métrage. J'ai vu un clip qu'ils ont tourné, excuse-moi, ça je le fais en 5 minutes avec à Movie Maker, hein, mais bon, ça j'ai rien. Je suis pas trop d'accord avec ça. Ah, ben bah, c'est pas grave, on regardera ça hors antenne. Mais alors j'ai pas vu le bon clip, mais le dernier clip que j'ai vu d'eux, en tout cas c'était très très très TV Lux. Oh, j'ai rien dit moi. Ah, le truc avec toutes les couleurs là, avec toutes les couleurs. Je sais plus, non, c'est non, un non. Mais il y en a franchement des qui sont aussi vraiment pas mal quoi. Enfin bref, on est un peu pressé par le temps, mais en tout cas j'ai rien contre eux, mais nous ça va faire 11 ans, on va fêter les 12 ans de la production là le 1er juillet 2018. On a produit quand même pratiquement 100 émissions en 4 ans. On a produit des émissions de 26 minutes plus 4 primes de 1 heure chacun. On a fait on fait beaucoup, on est dans le flux, donc on fait énormément de contenu. Mais tu peux pas comparer des émissions avec des séries, oui, le non, cinéma, c'est pas oui, pareil. Non, je compare pas du tout, parce que voilà, mais je dis juste qu'en termes de volume, nous on a produit beaucoup plus. Mais quand on produit des choses qui s'apparentent plus à des courts-métrages, comme des parodies ou des choses comme ça, en une semaine, elles sont produites du tournage à l'écriture en passant par la post-prod. Donc c'est assez compliqué. On a tourné une parodie, c'était très. C'est pas amateur, mais on a fait exprès parce que c'est pas du tout le même univers. C'est pas du tout le même univers. Et puis, ils préfèrent prendre leur temps pour faire les choses bien plutôt qu'aller dans la précipitation. Ici, des fois, c'est vrai qu'on veut produire, donc c'est bien, mais des fois, il faut prendre son temps, quoi, tu vois. On nous dit au standard quelque chose, Kylian. Alors le clip de la crème fraîche vaut le détour. Ah, il y a des connaisseurs apparemment. Je suis sûr c'est une pote à moi. Putain, elle était venue voir le clip justement, tout ce qu'ils avaient produit, et c'est pour ça que je te dis qu'ils ont quand même produit pas mal, parce que là récemment ils ont fait justement une réunion où est-ce qu'ils avaient projeté sur un écran toute leur production de cette année et les années précédentes, et il y en a quand même un bon paquet, et il y en avait une qui nous avait fait beaucoup rire, c'était la crème fraîche. D'accord. Avec bon, quelques allusions ça. Quand même, voilà. Et bon, mon père n'avait pas vu ces allusions, donc c'était franchement... Ok, mal. Allez. On va clore le sujet autour de cette production-là, et on leur souhaite que le meilleur, hein, madame. Ah, ok. On va reprendre. C'est un homme qui produit. On va faire comme si c'était direct. On va faire comme si on était en enregistré plutôt. On leur souhaite tout le bonheur du monde, n'est-ce pas, madame? Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Allez, on a clos le sujet à ce niveau-là. On passe maintenant, c'est parti, oyez, oyez, à notre séquence, l'objet du peuple. L'objet du peuple. Et dans cet objet du peuple, Kylian, rappelle-nous le premier indice. Alors, on peut me retrouver dans toutes les poches. Dans toutes les poches. Ça, c'était le premier indice. N'oubliez pas votre message, +32 49 9 15 75, avec Jadoul au début du message, suivi de votre réponse. Comme ça, on peut vous trouver quand on fait le tirage au sort en fin d'émission. Il y a des beaux cadeaux à gagner, notamment pour tous ceux qui passent à l'antenne. Vous téléphonez et vous remportez automatiquement un autocollant de l'émission. À coller n'importe où vous voulez, il n'y a pas de souci. On va passer maintenant au deuxième indice de cet objet du peuple. C'est parti. je sers de moyen d'entrée. Avez-vous la réponse? Je suis dans toutes les poches, je sers de moyen d'entrée. Est-ce que vous avez trouvé l'objet dont on parle? En tout cas, on vous le souhaite, car il y a des beaux cadeaux à gagner, n'est-ce pas, Kylian? Oui, des albums dédicacés où vous pouvez remporter Terence Bernard. Ah, j'ai envie dans quelques instants faire des canulars là, ceux qu'on a prévus. On peut les faire dans quelques instants, Kylian? Bah oui. Ok, on va tester le standard. J'espère un peu bien. Dans la musique. Ouais, on va tester le standard un peu dans la musique. Y a pas de souci. Et comme ça, on va pouvoir ensemble faire ce canular et téléphoner en même temps à RL. Y a du nouveau standard, Kylian, ou pas? Alors, nous avons un message. L'hymne de la crème fraîche, donc c'est Marie-Christine Maillard. Ok, on a prononcé son nom, je suis pas sûr qu'on puisse le prononcer marqué, à l'antenne. Donc Ah ok, donc à mon avis c'est... Ah oui, non, c'est la chanteuse à mon avis, c'est le titre de la, du truc de la chanteuse. Donc si vous voulez voir, si vous voulez voir de quoi Terence a parlé, lui qui est en ce moment sur son téléphone en train d'écrire... En fait c'est lui qui envoie les messages. Non, pas du tout. Je demande justement si c'est celle que je pense qui envoie le message, donc je suis en train de me demander. Ouais, bah ça tu peux le faire hors antenne justement, parce qu'on va s'écouter un petit titre. Offenbach, tout le monde connaît. Oui. Avec tous leurs titres là, qui cartonnent en ce moment. Tout le, monde les tout le bonheur du monde. Je comprends pas. J'ai pas compris non plus. C'est quoi son délire? J'en sais rien non plus. Quel est le rapport? Non, c'est. Mais y a pas de c'est rapport. Gilles de la Tourette. Ouais, voilà, attention, les gars. Bah alors, tu veux qu'on te mette un petit buzzer? Comme ça, tu vas mettre un petit son dès que t'as un Gilles de la Tourette. Comme ça, on est prévenu. Et on, oh ouais, ouais, vas-y. Et on s'inquiète pas. Oui, mais je l'ai pas là. On prépare. C'est quoi ça? Non, c'est pas grave, c'est le mec. Moi, je préfère ce plus fond du studio qui se réveille. On va préparer ça pour la fin de l'émission. En fait, vous avez tous les deux le même traitement à devoir réceptionner. Malheureusement, oui. Merci. C'était Terence, je vous précise. Vous m'inquiétez beaucoup. Allez, c'est parti. On va s'écouter Party, comme on dit en anglais. Party, let's go, baby. Party rock, yeah. Party rock. Let's go to. C'est l'info, ça. Je n'en peux plus. Ouais, voilà, j'ai coupé vos micros, comme ça on vous entend plus. Je n'en peux plus, je ne vous supporte plus. On va appeler une clinique dans la région pour savoir si on peut faire quelque chose pour tout ça. Kidnappe mon micro. Vous êtes sur la FM, Jadoul, jusqu'à 22h, 21h30. Passez une belle soirée, nous sommes en direct. Jadoul en direct, j'espère que vous passez une belle soirée. Nous sommes là tous ensemble avec Terence qui ouvre ce snap en direct, y a pas de soucis. Fais comme chez toi, ça va, tu te sens bien? J'ai pas vu le truc venir. Bah oui, mais si t'étais un petit peu plus concentré sur l'émission, ça irait peut-être un peu mieux. Non, c'était pas du tout une attaque, rien du tout, moi j'ai rien dit. Ça y est. Je suis dans mon coin, je fais sonner ma cloche. Voilà. Là, je suis centré du coup. D'ailleurs, je suis un concentré. D'ailleurs, on a appelé Jadoul la fée clochette. Pourquoi? Parce que tu fais sonner ta cloche. Ah oui, bah attends, je le refais encore une fois. Attends, c'est parti. Ah, mais oh, deux fois, voilà. Il n'en restera plus rien d'ici la fin de l'émission. on va essayer de la recoller une dernière fois d'ici 22h. Et on va coller voir... qui? Hein? Tu vas coller qui? Moi, j'ai déjà été assez collé comme ça. Hein. je disais qu'on allait essayer de faire fonctionner le standard, parce que là, en fait, on est en direct et on aimerait bien passer un petit coup de fil. Sauf que le son qu'on a, nous, dans nos casques ne va pas dans l'appareil qu'on a ici. Quoique, attends, il faut que je retrouve un petit câble qu'on avait tout à l'heure. Il est où? Il est là, en dessous. Il est là, voilà. Le câble, il est là. Ça y est, hop, on fait tout en direct. Hein. Non, c'est toujours le même message au standard. Ah. C'est pas grave. Why not? Allez, voilà, hop. Je teste hein, pour comment voir si ça fonctionne. Ça fait. Je vais débrancher le casque à quelqu'un. Pourquoi voilà. C'est moi? Ah, ben non, ça va, c'est Kylian. Oui, c'est elle. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Je fais tout en direct. Voilà, ah, ça y est, on nous a dans le standard, nickel. Ah, ouais, nickel, j'entends plus rien. C'est vrai, toi, t'entends plus. Ah, bah non, moi non plus, j'entends plus. Ouais, mais toi, j'ai débranché ton casque en fait. Pourquoi tu fais ça? Mais parce que j'ai dû brancher le standard sur notre casque. Donc voilà. Non, mais là, t'as débranché tous nos casques. Mais non, le tien est toujours dessus. Il est un peu fatigué, je pense. Oui, ça y est, maintenant, je m'entends. Ah, pardon, en fait, j'ai débranché le casque de Kylian. Attends. Mais laisse-le comme ça, c'est bien. Mais branche-moi. On va s'y retrouver. Branche-moi au. On fait par priorité, là, en fait. Là, c'est bon, t'es déjà. Moi, là, ton câble. Moi, je suis déjà branché. Là. Hop, oui, quoi? Bah, branche-moi là. Mais non, tu peux pas être branché là. Pourquoi? Bah, parce que tu peux pas. Théoriquement, techniquement, c'est pas possible. Monsieur me fouette avec un câble. Explique-moi quand tu veux le brancher là. Bah, tu. Voilà, tu m'entends là. Oui. Bon, bah c'est bon. Allez hop là. Du coup, Terence, il entend plus rien. Oui, bah le standard non plus, donc. Mais on si est j'entends. C'est Bricolage FM ici en fait, en direct. Ah ok, attends. Oui non, mais si en fait j'ai rebranché tous les casques et j'ai de nouveau débranché le standard. Et Kylian s'est encore coincé le marron. S'est encore coincé le doigt dans le casque. T'es doué quand même. Je sais pas comment tu fais ce soir. On est bon. Ça va être très compliqué. Et on me dit que c'est trop long. Oui, mais écoutez, Emmanuel Macron, moi je fais comme je peux. Là, c'est toi que j'ai débranché là, Kylian. Non, c'est pas toi. Bon, allez, hop là. Hop, voilà, le standard est connecté. Tout le monde est bon. On y va. On va essayer de brancher le standard en direct. Voilà, et on compose le numéro. C'est parti. Voilà, le numéro est en train de se composer dans le standard. Ça va, Kylian ? Oui, ça va. Ah, ok, bah, ça va, nickel. Gilles bon. De la Tourette. Maintenant, c'est l'excuse du jour, en fait. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est Gilles de la Tourette. Bien, hop, on appelle ARL pour savoir si, de leur côté, ils ont des petites nouvelles de l'antenne, car là, nous, ça commence à nous inquiéter. Là, c'est plutôt ORL qu'il faut appeler, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une moitié de casque qui fonctionne pas, là. ORL, mon Dieu. Je suis sûr qu'ils sont en train de faire leur sieste, là, tu vas les déranger. Oh, ouf, ça non. Fait. Mais allô, c'est Nico. Non, il va répondre. Normalement, en principe. Allez. Ah, ça crache. C'est quoi ce son ? Oh, purée, mon père qui m'envoie un père de 9 enfants, pas un père de 9 ans en douille. Un père de 9 enfants. Oui, j'avais dit un père de 9 ans. Oh là là. Mais. Eh, mais c'était super. C'est écrit super petit, j'arrivais pas à lire, hein. T'entendais ? Bah, écoute. J'étais là. Bah oui, bah écoute. Ça va, ça sonne là ? Bah, en fait, ça a sonné, mais y a personne qui a décroché en fait. Donc, ouais, c'est ce que je te dis, ils font leur sieste. on va réessayer de les appeler, on va essayer que ça sonne. Ça se trouve, le numéro sonne dans le vide. Sponsorisé par la SNCB. Allez. On dirait qu'il y a du vent. Hop, j'espère qu'on aura quelqu'un. Ah. Ah, ça fait bip bip bip. Oui. Allez ARL, je sais que vous êtes pas fort au niveau de l'antenne, mais peut-être que vous le serez au niveau de du téléphone. Il faut dire réponds ARL. Ah non, bah voilà, ARL. Ok, bah ils sont pas d'accord de nous répondre, donc c'est pas grave. On va tenter le coup dans quelques instants avec autre chose, mais surtout le canular à ne pas manquer dans quelques instants. Ça va être. Envoie leur un pouce. Sommes-nous en appel inconnu ouais. Bien sûr, le standard automatiquement il est en appel masqué. C'est peut-être pour ça qu'il répond pas. Non, parce que ça ne sonne même pas. Donc à mon avis le téléphone il est branché dans le vide. Ah. Ça ne me choque pas, honnêtement ça ne me choque pas. Donc on n'est pas à l'abri de ça. Donc je rappelle la question de la semaine. La question de la semaine. Le principe est bien simple, c'est que vous devez nous dire si vous parlez, si vous êtes fan de séries, si vous en regardez à la série. C'est le cas de le dire. Ah ouais, on regarde des séries en série, nous. Voilà, c'est ça. Allez-y, faites péter. Je suis un serial série. Vous n'avez rien à voir. Donc. Je vous rajoute ça. On a le standard qui est ouvert, Kylian. Ah, et Scream aussi. Scream. J'ai oublié de la citer, elle est bien aussi. C'est une série ? Ouais. Oui. Ouais. Moi, je suis pas fan des séries, qui sont en mode guerrier, en mode. Ouais, moi non plus. Les séries, c'est trop d'action qui sont pas crédibles. Ah, genre où tu te dis, un peu tiré par les cheveux, quoi. J'aime pas non plus. Je peux vous faire un aveu ? Oui. Oui, mais les séries tirées par les cheveux, c'est de. Tu peux juste rebrancher mon casque, s'il te plaît ? Ah, oui, oui, accessoirement. Les séries tirées par les cheveux, c'est de 23h à. Wow. 5h, 4h du matin. Oui, c'est Fabio Sassa, c'est le coiffeur, quoi. C'est Koé, tu sais. Tiré par les cheveux. Parce qu'il a plus de cheveux. Ok. Oui. Tu pouvais très bien aussi citer Vincent Lagaffe, tu vois. Au lieu de citer la Koé. Oui, bon, vu que c'est une gaffe. Très bien. Non, je m'entends bien. C'est gentil quand j'entends plus rien. Tu t'entends bien avec Koé ? Oui. C'est vrai ? Oui, c'est un type très sympa. Tu pourras lui envoyer Je t'aime de ma part. Pourquoi ? Parce que je l'aime trop, il est trop drôle, j'aime bien. Ah. Okay, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il fait de la danse en studio. Non, mais c'est Gilles de la Tourette, encore une fois. Il nous fait la danse des Magic Systems. C'est pas grave. Écoutez, on verra ça dans quelques instants. De toute façon, on est habitué au Gilles de la Tourette ici. Il n'y a plus rien qui me choque. Mais on va quand même penser à appeler des gens compétents pour régler ce problème. Parce que moi, ça m'inquiète beaucoup, voire même énormément. Ça inquiète personne ici ? Je suis le seul à être choqué. De vos spasmes. Mais on est tous les deux fous. Attends, alors, du coup, tu m'as dit que je peux plus dire en antenne que mon casque ne fonctionne pas. Maintenant, je le dis pas. Tu me dis que je dois me taire. Non. Il se moque de moi. Bah, tu le dis, mais avec des gestes, donc c'est pareil. Non, c'est pas ça. C'est que tu me regardes et je veux te faire réagir sur quelque chose d'autre. Et toi, tu cales en me regardant avec des grands yeux en mettant toi sur ton casque. J'entends plus rien. Mais tu tires ton casque, on a encore une voix, on a encore des oreilles. Voilà. Et donc, comme ça, tu m'entends naturellement. Bah là, je t'entends. Oh, purée, je n'y arriverai pas. Vous êtes en direct dans Jadoul. J'espère que vous passez une belle soirée. Et c'est loin d'être fini, je le sens. On va encore vivre beaucoup de choses, notamment le canular qui va arriver juste après ça sur RFM. On va pas vous lâcher, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Merci d'être là, 21h40 en direct. One Kiss de Calvin. Ah, One Kiss, que j'ai dit. Rien à voir, moi. Un Kiss oui, Kylian, oui, Terence. Si on appelait Ikea, ils font des compotes aux ARL. Terence, je suis en train de lancer un titre. Ça te dérange? Excuse-moi, vas-y. Le mec. Ouais, si on appelait Ikea, ils font des compotes aux ARL. Jamais dans le beau texte. On va jamais y arriver. Donc je disais One Kiss, c'est de Calvin Harris, et on s'écoute ça tout de suite dans Jadoul. Tu connais, évidemment. Bah oui, je kiss. Je kiss. Mais Richard. Ça va être très long. Mais qui m'a donné une équipe comme ça? J'ai rien demandé à personne. C'est pas vrai, c'est toi qui as demandé à ce qu'on vienne. C'est vrai. Bah, soyez contents, justement, j'ai pensé à vous. Allez, One Kiss, Calvin Harris, maintenant c'est parti. 46 des tendances, on me dit, dans les tendances YouTube. C'est parti. One Kiss. Ah, c'est à nous en fait. Vous êtes dans l'équipe la plus professionnelle de la bande FM. C'est évidemment Jadoul de 20h-22h. Tiens, j'ai envie qu'on se fasse quelque chose. Terence, je pense que tu es d'avis avec moi et Kylian aussi. Non. Merci. On va réécouter le générique qu'on a eu en début d'émission, ça vous tente? Bah oui, parce que moi je l'ai pas entendu. Il est absolument génial, bravo. Évidemment à toute l'équipe, qu'est-ce qui se passe? Ok, en fait il regarde une girafe. Le mec il regarde des fois. Il regarde des vidéos de girafes. Kylian, passe-moi ton téléphone. Attends, mais elle tient la langue. Tiens, voilà. Mais regarde, elle. J'ai mal au ventre. Téléphone confisqué. Tiens. Elle tient la langue. Pendant que Thomas il lance le générique, c'est il parfait. Est là. Oh, regarde, j'ai une vidéo de girafes. Allez, on écoute le générique qu'il y a eu en début d'émission. C'est parti. Neil Armstrong est le premier à avoir marché sur la Lune. Chuck Yeager est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à se jeter sur les pâtisseries à l'accueil. Et c'est déjà pas mal, non? Jadoul, 20h-22h, sur Rire FM. Ah, j'adore. J'aime trop. Non. C'est pas j'adore, c'est Jadoul. Ouais, c'est vrai d'ailleurs. Merci Kylian. Mais c'est oh, je remercie Valentin d'ailleurs, c'est sa dernière saison à TMS Prod. Quoi? Pourquoi? Oui, ben il arrête après. Il arrête genre juste ici ou pour tout? Depuis qu'il a entendu que je faisais les voix off. Bah pourquoi? Il a en plus, je suis sûr qu'il est bien payé ce bah je ne te regarde pas. Mais surtout il nous a accompagnés durant 4 ans. 4 ans Ouais, j'ai bien vu. Depuis le début de Cher, l'émission média, depuis le début de Ilar FM, il était là, c'est lui la voix. Depuis le début de son traitement, le traitement de Jadoul. Voilà, donc on s'est bien marré avec lui, même quand on lui commandait des voix et tout ça, il était toujours très sympa. On a eu de bons délires, donc voilà, on le remercie. J'ai une question juste. C'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage et de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Est-ce que dans la vraie vie, il parle comme dans les génériques? Enfin, genre, est-ce qu'il prend une voix différente ou pas? Tout à fait, donc quand il va. Quand il va commander une baguette. Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Mais non, mais pas l'effet, mais je te parle de genre là, est-ce qu'il prend une, je sais pas, est-ce qu'il prend une voix différente avec toujours un sourire aussi comme ça, ou est-ce que genre dans la vie de tous les jours il est comme ça? Bah alors attends, non, je te pose simplement la même question. Est-ce que tu parles comme à la radio comme tu parles dans la vie? Ben j'essaye, oui. Ah ben justement, faudrait peut-être arrêter. D'ailleurs, on parlait de cours d'orthophonie. Parce que tu nous avais expliqué quelque chose que je ne savais pas. Oui, mon père avant aussi faisait de la radio. Du coup, il a dû prendre des cours d'orthophonie parce que à son école, c'était comme ça, que c'était obligatoire. Oui. Il devrait me donner peut-être des cours aussi d'orthophonie. Il a fait l'IAD. L'IAD. C'est en communication. Non, attends. Non, ça serait. Non, l'école de télé en gros. Donc il avait des cours, je sais pas, d'acteur, de réalisateur en fait. Il a fait des études de réalisateur, mais donc du coup il avait des cours de radio, d'acteur, de mise en scène. En Belgique, ça. De tout. Oui. Il a fait ça en Belgique. Ben tu pourrais faire ces études là, mais c'est des études universitaires. Hein. Ah non, les études, moi c'est fini. Non, mais je t'assure. Franchement, tu plairais vraiment. Tu t'y plairais. Il ne fait plus d'études. Mais c'est pas des études pour lui. Pour Thomas, ce sera pas des études. Les études que je fais, c'est les cas au sujet de Kylian. Non, mais honnêtement, voilà. C'est drôle ça. Hein. Oui, c'est très drôle. Oui, mais c'est des études universitaires. Oui, oui. Mais pour toi, l'université, mais non, fermée mais Thomas, à vie. Thomas, je t'assure. Pour toi, ce serait pas des cours. Ce serait pas des études. Pour toi, ce serait juste un kiff. Je t'assure, tu t'y plairais. Non, mais ça m'embêterait pas d'y aller, mais je ne peux pas techniquement y aller. Pourquoi? Mais parce que j'ai fait un parcours scolaire qui me ferme la porte à l'université. C'est une blague. Non, je ne peux pas. Mais c'est pas une. En fait, c'est une haute école. Oui, je ne peux plus. Je ne peux pas être admis. C'est une haute école. Même en haute école, tu peux pas. Bah, il peut même plus être en école. Je peux pas faire d'études après ce que je vais. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est n'importe quoi. C'est franchement, c'est honteux. Mais non, c'est le système scolaire. Révolution. Non mais c'est quoi ça, sérieux? On te ferme ça. C'est une affaire à discuter en dehors. On devrait pas empêcher les gens d'apprendre et de s'instruire. Oui mais les gens doivent venir pour apprendre. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, en gros t'es élève libre quoi. Ben oui, ben à faire des émissions jusque 3h du matin et pas se réveiller à l'école hein. J'ai jamais été élève libre. Non? Non. Je sais pas, c'est lui, il a dit que tu venais pas en cours. Donc, oui, bah ça évidemment, ça c'était la base. Donc voilà. Bah quand on fait des émissions plutôt que de travailler à l'école. Hein, et ça me fait rire parce que dès que je croisais quelqu'un de l'école, il me regardait en mode oui, mais et alors t'étais, ah bah, t'es là aujourd'hui? Ouais, t'étais là aujourd'hui. Et il s'intéressait même pas. Et genre, t'étais où? Ah, t'étais à la RTB. Oui, bah oui, ok, normal quoi. Alors, ça devient tellement normal maintenant. D'accord, mais les professeurs ils font et Thomas il va venir? Off, bah je sais pas, il m'a dit qu'il viendrait peut-être. Je sais pas moi, vers la fin des cours. Et tes parents ils te laissaient faire comme ça? Allez, nous allons enchaîner. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on va maintenant enchaîner parce qu'il est 50. On a encore des canulars. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que voilà, on est en direct. On va le faire en live. Comme ça, on va tenter d'appeler. C'est parti, on passe en mode canular. Kylian, où va-t-on appeler en premier? Je pense que c'est du côté de la province de Luxembourg en Belgique. C'est un restaurant chinois, c'est ça? Peux-tu nous dire plus de choses? Alors oui, c'était un ancien restaurant chinois qui est maintenant devenu un restaurant... À sushi? Non, il n'y a pas de sushi. À chien. Il n'y a pas de souci. On vend des chiens. De quoi tu parles alors? C'est... Celui qu'on va appeler là maintenant? Oui. Oui. Oui. C'est pas celui avec qui son beau taxi. Ah, c'est pas celui-là. Ah oui, non. Ok. C'est pas loin de chez Terrence. Ah, je sais pas où habite Terrence. Ah, j'ai pas de restaurant chinois près de chez moi. Bah si, c'est sur la route. Oui, je vois. Mais je sais pas, quand même pas où il habite, mais je vois. Je vois. C'est un restaurant libertin. Et donc pour ne pas citer leur marque, on a fait un petit bruitage. C'est Chouchou, ça s'appelle. Ah, j'en avais encore un autre en tête. Non, c'était pas. Pour dire en verlan, j'avais un cow en tête. Ah non. Non, c'est pas ça. Donc non, c'est le restaurant s'appelle Chouchou. Donc voilà, on va les appeler avec un canular qui nous est propre. J'espère que ça va leur plaire. On va se mettre en place. On va faire ça juste après. En vrai, je devrais relancer une musique là. Mais le truc, c'est qu'on est un petit peu juste au niveau des quotas. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que on continue un petit peu le débat au sujet des séries et tout ça. Terrence, pour meubler surtout l'antenne, qu'est-ce que tu peux me dire au sur sujet ta vie. De l'addiction qu'on a par rapport aux séries? Ben, c'est quelque chose de pas très bien, parce que non, mais vraiment, ma sœur qui est addict, elle a presque plus aucune vie sociale, quoique si, avec ceux qui regardent tout le temps les séries. Voilà, elle parle que de séries, elle ne parle plus que de ça, elle ne sait plus de quoi parler d'autre. Voilà, depuis c'est quelque chose, enfermé, par contre, peut-être de très bon pour les émotions, puisque maintenant, depuis, elle ne pleure pour rien. Elle pleure pour rien. À chaque fois qu'elle regarde un truc, elle pleure. On va lui dire un truc, elle pleure. Elle est devenue très sensible à cause de ça, parce que bah, à cause des scènes, je sais pas, émouvantes et tout. Là maintenant, elle pleure tout le temps. Tout le temps. Ok. Ah. Enfin, voilà, je sais pas si c'est une maladie, mais après, c'est peut-être mieux que la drogue ou quoi. C'est juste une addiction comme, ouais, comme partout. Mais ouais, c'est vrai, effectivement, ça. Comme nos auditeurs qui sont addicts à notre émission. Comme évidemment. Comme une vidéo que tu m'avais envoyée, enfin non, que t'avais mis dans ta story Snap, je crois, où c'était ta sœur qui pleurait pour son héros décédé. Ou... Ah oui, ben oui, oui, elle est descendue, elle a commencé à pleurer parce qu'elle a dit. Mais on ne sait pas comment elle s'appelle, sa sœur, donc il y a pas de. C'est beaucoup trop triste. Il l'a affiché dans sa story, c'est quand même ça qui est sympa. Ah oui. Allez, allez, on va voir s'il y a moyen de contacter tout le monde en direct. Je débranche quelqu'un d'entre vous. De toute façon, j'entends rien depuis tout à l'heure. C'est vrai? Donc voilà. Non, depuis tout à l'heure, j'ai pas de son. C'est parti, c'est pas grave, hein. C'est Guignolo et FM, c'est Guignolo Productions ici, donc y a pas de souci. Hop, on appelle ce. ARL. Appelle tes copains de mes sensi. Voilà, on va appeler. il dit l'endroit, lui. Donc, on va les appeler, c'est un restaurant chinois, et on va leur demander s'il y a moyen de commander chez eux. Donc, je prends tout de suite le texte qui a été écrit en production durant la semaine. Pour pouvoir faire notre canular. Kylian, je pense que tu peux te témoigner que ça va être assez sympa. Ça va être assez sympa. Si tu le chantes bien, ça peut être assez sympa. Si je le chante, ouais. Donc, on l'a fait hors antenne, donc au bureau l'autre jour. On s'est bien marré. Donc, je pense que ça pourrait fonctionner. On y va, si vous voulez bien. On compose. Vous êtes prêts? On est prêts, on est chaud, on est là. Je vérifie juste que eux, ils entendent évidemment mon micro et qu'ils entendront bien la musique comme tout le monde. Comme ça, hop, la c'est la musique, bon. C'est « J'ai encore rêvé d'elle ». C'est ça, voilà. Donc, vous, je vous sors de l'antenne, comme ça, voilà. Merci. J'ai rien fait, moi. Non, mais on vous entend toujours, mais eux, ils ne t'entendront pas. C'est ça qui est magique. Magique système. Effectivement. Hop, on passe au suivant. Je peux rien, moi, s'il fait... Mais non. Qu'est-ce qu'il dit ? Les auditeurs nous entendront à la radio, mais les gens du téléphone nous entendront pas. Ah, ok. Tout. Je viens de tilter. Ok. Donc, par exemple, si tu dis crotte de bique. D'accord. Voilà. J'ai compris. On est bon ? Bah, si t'es en ça compris, c'est qu'on est bon. Allez. C'est super méchant, en fait. Non, disons que c'est sympa, c'est réaliste. On est sur une lancée. On est. Allez. Si t'es en ça compris, c'est que nos auditeurs ont compris. Je suis entouré par qui aujourd'hui, sans déconner ? Liane. Par qui il y a. Ok, très bien. Super. Oh, tiens, vas-y le chargeur, Thomas. Écoute, c'est pour me faire pardonner de mes blagues. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas de prise ici. Kylian, c'est de trouver une prise. Merci. C'est elles sont prises. Ok. cette réponse. Non, c'était sympa, c'était gentil. Bien. Bon, visiblement le standard il coopère pas beaucoup. Hein. On va essayer de rappeler ARL pour parce que eux on peut les embêter tant qu'on veut. Donc hop, on les rappelle. C'est parti. Numéro de standard, téléphone, bim, c'est parti. Je ne sais même plus ce que je dis. Si voilà. Tu veux, sinon on appelle avec mon téléphone, on met le haut-parleur. Le standard vient de me dire votre entrée de la console ne coopère pas avec notre pilote. Ok, Thomas, très bien. Pourquoi on n'appelle pas avec le téléphone en mettant le haut-parleur? Parce que ça ferait de la grosse crasse et que pour notre cellulaire, on a besoin qu'il entende ce qu'il y a dans notre console, en fait. Vois-tu? Non. Si je lance un son... Par exemple, si je lance... Eh ben, il faut que lui l'entende au téléphone. Et si je suis en haut-parleur, il l'entendra pas vu qu'il n'y a pas de retour dans le studio. Ok. On y arrivera. Hop, on y va, ça c'est bon, on est bon, hop, voilà. Normalement, il devrait nous entendre comme ceci. Ça ira. Ça ira, mon amour. Chouchou. Ah, ça ira, tout recommence. Ok, voilà. En principe, je dis bien en principe, c'est bon. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer carrément le standard. Comme ça, ça va nous permettre de voir s'il y a moyen que ça fonctionne correctement. Bien, sur le temps que ça redémarre, nous, on enchaîne. L'objet du peuple, la réponse, on la donne tout de suite. C'est parti, on y va. Jingle. Non, ça c'est Stromae, merci. C'était bien, allez. On y aurait cru. On y aurait cru, oui, non. Allez, c'est parti, l'objet du peuple. L'objet du peuple. Peuple. On va reprendre l'objet du peuple. Donc, on en était où? C'était le premier indice était Kylian, donc, s'il te plaît. On me retrouve dans toutes les poches. Voilà. Et puis, on peut me servir pour te laisser pour ouvrir la porte. C'est quoi cet accent? Voilà. Je sais pas. Okay. C'est l'accent que Kylian avait fait. C'est un accent de terre ancienne. Ok. Ou très ancienne. Très bien. Alors. Il s'attend que... En fait, il n'y a que nous qui rigolons. C'est quoi cette posture de Terrence? Vous savez qu'il reste 10 émissions avant la fin de la saison. 10 émissions. On est seulement à la 10e, c'est donc E-J. Non, E-J. E-J. J'ai compris. Non, c'est donc E-10 émissions. Donc c'est la 10. Ah, oh, commence pas avec des maths et des lettres. Hein. Mais c'est pas des maths. Ah non, parce que même il est perdu. 10 au carré. C'est comme si tu dis J-2. Eh bah voilà. Pareil. C'est peut-être ton meilleur pote en maths. Non. Donc plus sérieusement, il reste plus que 10 émissions avant la fin de la saison, donc jusqu'à fin juin. On attaque très mal ce marathon de 10 émissions. Là. Oui, mais si on fait la racine carrée de 2 émissions, on reste à une émission. Du coup. À l'aide. On passe à une émission à la place de 2 émissions. Ok, très bien, je ne m'en sortirai pas. Au niveau du standard, ben, on va reprendre, mais on parlait donc de l'objet du peuple. Je suis dans toutes les poches, le suivant indice c'était quoi? On peut m'utiliser pour ouvrir une porte. Voilà. Non, je donne accès à quelque chose. Mais on peut ouvrir une porte avec également. Voilà. Donc mince, la réponse, on va voir si elle a été trouvée dans le standard. C'est parti, on lance Kylian, je t'en prie. Envoyez vite vos messages, il reste quelques... Voilà, 30 secondes. Attention, c'est 30 secondes pour envoyer vos messages. La réponse de l'objet du peuple, plus 32 49 9 15 75. Jadoul, et puis votre réponse surtout que vous nous envoyez. Donc je peux servir à ouvrir quelque chose, je me trouve dans toutes les poches. Est-ce que vous avez trouvé? Plus 32 49 9 15 75, il est 22h04. J'espère que vous avez trouvé de votre côté. C'est bientôt la fin, j'espère que vous l'avez. Soyez les premiers à le dire, ou peut-être un parmi tant d'autres, mais qu'on va tirer au sort. Donc il y a de beaux cadeaux qui le confirment. Je le confirme, il y a décédé dédicacé. Je le rappelle, il y a aussi Terrence. Décédé de quoi? Décédé de musique, tous les titres qu'on fait à l'antenne actuellement. Ah, okay, oui. Bob Marley. Hey, mais c'est non, mais Dadju par exemple. Avec Bob Marley. Voilà, oui. J'ai une réponse. Attention. Tu l'as au standard? Je l'ai. Montre l'écran. Sans déconner. On me dit. Bon, attends. On va lancer. Parce qu'elle est pas certes trop loin, au standard, hein. Mais il est peut-être pas le seul, l'auditeur qui a envoyé ça, à l'avoir, dit. Donc, je préfère d'abord lancer le tirage au sort. C'est parti, on lance le standard, c'est parti. Attention, ça tourne. 3, 2, 1. Le standard a désigné quelqu'un. Alors, tu vas me dire si c'est la bonne réponse, étant donné qu'on a rentré la bonne réponse. Quelle réponse a été tirée? On me dit une clé. Une clé? Est-ce que tu penses que c'est la bonne réponse? Ah bah oui, fatalement, si on l'a mis dans le standard. Je suis un peu bête parfois, merci. Donc effectivement, c'est une bonne réponse. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? Donc on va l'appeler. J'adore celui-là. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein? Bah ouais, attends, je vais te téléphoner. Allez, c'est parti, on va téléphoner tout de suite au vainqueur de ce jeu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est le truc qui fait rire. Okay. C'est le bed. Non, c'est la cartouche. La cartouche. Donc, que je mange avec mon stylo et tout. On va l'appeler donc d'ici quelques instants, juste le temps qu'on puisse connecter le standard et redémarrer surtout notre système ici. Allez, c'est parti, on y va. Je lance une musique n'importe laquelle. On est où? C'est ça, merci, voilà. On est où? Voilà. Hop. Ah non, mais on est où? C'est 10 Days de Macklemore, vous connaissez? Oui, Michael Moore, oui, mais la musique là, elle me. Attends. 10 Days. Non. Ok, je chante. Oh là là, je chante tellement bien. Ouais, c'est pas grave. On va l'écouter, c'est peut-être mieux que je le chante. Je vais vous excuser, les auditeurs, mais Thomas a un petit problème. Je vais vous excuser. C'est ça, il y a un petit problème. Pourquoi ils ont fait quoi les. Allez, merci d'être dans Jadou, j'espère que vous passez une belle soirée. 22h06 en direct. Chaque fois je mange le début du titre, c'est affreux quand même. Il faut que je prenne des cours de radio, moi. Vous êtes dans Jadoul, j'espère que vous passez une belle soirée. Et c'est déjà la fin de notre émission. Je pense que j'ai dit j'espère que vous passez une belle soirée au moins 20 fois ce soir. Oui, à chaque émission en fait j'ai un tic de langage. La semaine passée c'était nous sommes en direct, j'ai dit au moins 200 fois. J'ai remarqué. Et là aujourd'hui c'est j'espère que vous allez bien. Mais ça veut dire que je pense à vous. Et honnêtement, j'espère que sincèrement vous êtes très content de nous écouter, qu'on vous a donné un petit peu le sourire. En tout cas, vous êtes dans Jadoul et je vous souhaite que le meilleur. Jadoul, 20h-22h sur Rire FM. Et j'ai encore mangé le début du jingle, c'est pas grave. On les enchaîne. Alors je vous propose qu'on appelle le gagnant. Le gagnant de l'objet du peuple. Oui. Donc j'espère qu'il va décrocher à notre appel. Kylian, tu peux composer le numéro au standard s'il te plaît? Oui. Merci. Merci. Ah ok, merci. Et le numéro complémentaire. Merci. Okay, c'est parti. Suspense, va-t-il nous reconnaître et surtout nous dire bonjour et est-ce qu'on va pouvoir célébrer le fait qu'il ait gagné? Oui, hello. C'est quoi ça? Non, tu vas pas bosser. J'ai la varicelle. Allez, notre gagnant au téléphone. C'est dans les Simpsons. Allons, restaurant chinois des comptes. Ah, quoi? Non, je comprends, c'est un auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Vous voulez prendre des commandes? Ouais, je veux bien vous faire le canular, mais ça ne marchera pas parce qu'on. Écoutez, je suis désolé, mais il est 22h passé et nous, on est fermé à 22h. On dit que c'est ouvert de 20h à 22h et c'est fermé maintenant. Trop bien. C'est elle ou il? Vous êtes un homme ou une femme? Vous êtes un homme ou une femme, monsieur? Monsieur. Madame. Je m'appelle Chang. Chang. Chang. Chang. Chang. Chang. Vous avez joué avec nous au jeu à l'objet du peuple? Non, nous ici restons chinois. C'est dommage, vous n'allez pas gagner l'autocollant de l'émission plus l'album dédicacé. Oh, un autocollant. Un autocollant. Mais Medinchaya? Made in Libramont, je sais pas si vous connaissez. Libramont. Non, Canard-Maquis, je connais. Non, bah alors on va devoir raccrocher, monsieur, c'est dommage. Oui, ok. N'hésitez pas à passer commande entre 20 et 22 heures. Hein. C'est quand même en 4 ans de radio, c'est la première fois qu'un auditeur ne réclame pas son prix. C'est quand même, fabuleux. Enfin, nous, ça nous arrange, hein, personnellement. Ok, on vous remercie. En tout cas, merci d'être à notre écoute, mais monsieur Chang. Bonne soirée, à votre service. Au revoir. Donc voilà, notre auditeur, monsieur Chang, n'a pas remporté son lot. Bravo, en tout cas, on n'a jamais eu ça. Et ça, je pense que c'est la plus belle des choses qu'on puisse avoir dans cette émission. Et je pense que c'est quand même la première fois qu'on a un truc comme ça, c'est fabuleux. Mais je me suis pas gouré de numéro durant l'appel, j'ai vérifié deux fois que c'était le bon numéro. Donc je pense qu'il est fabuleux, il est fabuleux. Il faudra quand même qu'on le rappelle la semaine prochaine pour savoir qui c'était. Bravo à lui en tout cas. On a un peu débordé là, il est quand même 22h13. Bon, le canular avec... On le fera la semaine prochaine parce que là on a un petit peu juste au niveau du temps. Donc on téléphonera au restaurant chinois plus tard. Mais il était fabuleux. C'était ma tétanque. Tu vas aller prendre les cours de chinois. Ah mince, j'ai oublié quelqu'un aujourd'hui. J'ai complètement zappé. Ah mince. Ah mince. Ça me saoule. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. Je vais l'appeler maintenant, y a pas de souci. Allez, c'est parti, on l'appelle. Oublié qui? Jean-Michel? Oui, allô. Vous êtes là? Bah oui. Je vous ai un petit peu oublié ce soir, c'est pas grave si vous passez pas l'antenne? Non. Bon bah ça va alors. Vous avez fait quoi de beau ce samedi? On sait un secret entre nous. Oui. J'ai été draguer les minettes. Mais attendez, rappelez-moi un peu votre âge, vous avez pas 63 ans? Ah non, hein. Non? J'ai 82, hein. C'est encore pire. Et donc? Non mais je vais pas plus bas que 10 ans, hein. J'espère bien. C'est déjà en dessous de 14 ans, c'est déjà en dessous de 18 ans, c'est déjà pas terrible, mais en dessous de 10 ans, c'est quand même du pénal, ça. Mais non, parce que moi je vais vers 18 et demi, hein. Officiellement. Parfois je flanche, hein, mais bon. En fait, c'est juste l'inverse, le chiffre inversé, quoi. T'as 81, lui il va vers 81, 18. Il inverse les chiffres, quoi, le mec. Il est bourré aussi, lui. Si vous le connaissez pas, Jean-Michel, il s'appelle Darence Bernard. Alors aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a eu, il était pas très bien, mais finalement, il aurait peut-être dû rester pas très bien puisqu'il est complètement déchaîné. Si tu veux, moi je fais la gueule toute l'émission, hein, pas non, de problème. Je rigole. Hein. Oh! Ok. Le gars, mais c'est quoi ces saletés? Attendez, hop là, je le jette. Voilà. Oh la vache, ah oui, Kylian, tu l'as déjà entendu comme ça, Jean-Michel? Non, en plus il a dit une grossièreté. Alors 5 euros pour Jean-Michel. 5 euros pour Jean-Michel. C'est parti. Non, Jean-Michel, on peut pas le facturer étant donné que... c'est bon, il rappelle, qu'est-ce qu'il nous fait là, Jean-Michel? Attendez. Mais voilà, on parlait des beaufs tout à l'heure. Allô? Oui, j'ai entendu, hein. Hey, 5 euros, ça va pas le faire, hein. Les boissons, c'est déjà... C'est genre 6 euros, alors ici, si vous me payez 5 euros, moi je vais dépenser mon argent par la radio, hein. Ça vous ferait une bière de moins, on pense à vous. On pense à vous, moi je pense à bière, hein. Mais c'est dangereux pour votre santé. Pense à bière, une pense à bière. Oui. Mais on avait compris. Toujours aussi bourré, lui. On avait compris, Terence. Eh, mais c'est drôle. Tu vois, la qualité d'une vanne, c'est de ne pas revenir dessus. Et c'est aux auditeurs de. Mais non, parce qu'il fallait vraiment bien la marque. Et donc, je disais que. Non, c'est bien, Jean-Michel, mais nous, on pense à votre santé. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Jean-Michel. Attendez, parce qu'il y a le petit cul qui repasse. Bon, bah, c'est fini, on vous ressort de l'antenne, c'est pas possible. Mais on peut vraiment pas compter sur vous, hein. Allez, c'est fini. Bon. Vieux. On dirait toi plus vieux. J'espère que tu n'auras pas un taux d'alcool aussi élevé que lui dans le sang plus tard. On va rendre l'antenne. On va rendre l'antenne parce que là il est quand même un peu tard. À on qui a, on, a peut-être, on va la rendre à, aux humoristes qui attendent pour faire leur sketch et les concerts pop-rock qui sont en route jusqu'à minuit. Ah. Et sur ARL, bah, on n'est pas diffusé. Tiens, on va les rappeler avec le téléphone à l'ancienne. Bah, c'est fini, ça sert plus à rien. Ouais, mais je vais lui passer un savon quand même. C'est pour les engueuler. On va le passer un savon, on va le laver. Mince, attends, merde, c'est pas le. Oh non, encore 5 euros. Ouais, mais j'ai pas du bic. C'est pas grave, il est là. Il est... Bah, donc ça fera 5 euros en plus pour acheter un bic. Donc attends, on va retrouver leur numéro. Hop là, c'est parti, j'ai leur numéro, c'est parti, on les appelle. Nous sommes en direct pour essayer de voir au moins pourquoi est-ce qu'on n'a pas été diffusé sur ARL. On leur donne quand même l'émission, ce serait sympa qu'ils nous diffusent. Ça sonne? Ah oui, ça sonne. Merci Kylian de m'avoir prévenu que ça sonnait. De rien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Remake de Jean-Yves Lafesse pour ceux qui connaissent pas. Mon dieu, oui. Allez hop, 5 euros. De... Hop, 10 euros. Cette nummer est ni tour là. Ya, il a ni garde ni chance. 5 euros. C'est Madame Ledoux. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Bonjour, vous êtes bien sur le GSM de Florence. Je ne suis pas. Florence. Florence Nick. Non, je terminerai pas le nom de prénom. Mais attends, je. Je me suis trompé de numéro. Oh la blague. Oh non. Ah ouais, quand même. Ça, je m'y attendais pas. Non, c'est pas grave. C'est pas... Je pense qu'on va laisser le téléphone là où il est. Je pense que ce soir, ça n'a pas été, ça n'a pas été la journée téléphone. Ça va, vous? Vous êtes bien écroulé. Oui, ça va. T'as appelé. Le point sur le programme, c'est la minute info. Ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, on va se faire tous les appels, les canulars dès le début de l'émission. Donc, oh les coquins. On va avoir une semaine pour faire en sorte que le standard fonctionne. Et comme ça, on sera vraiment au point pour qu'on puisse faire notre canular au restaurant chinois, ou japonais, ou thaï, ou peu importe. La semaine prochaine, il n'y a pas de souci. On essaiera d'inviter Jean-Michel. Corentin. Ouais, Jean-Michel, Corentin, la semaine prochaine, il est là. Jean-Michel, il va mettre l'ambiance. Et ben justement, si Corentin est là la semaine prochaine, et ben ce sera une émission 20 000 fois plus ratée. Non, bah, plus lente, quoi, en tout cas. Parce que, tant de ses réponses. Allez, j'espère en tout cas que vous avez passé une belle soirée avec nous en tout cas et qu'on vous a fait un petit peu oublier vos problèmes, n'est-ce pas Terence? Ouais, je sais même pas où est-ce qu'ils sont maintenant. Ah bah c'est cool, comme ça on t'a. Non, j'ai toujours Gilles de la Tourette. Mais soignez-les, faites quelque chose. Oh, j'en peux plus. Allez, en tout cas j'espère que vous avez passé une belle soirée, on va rendre l'antenne. Terence, le mot de la fin s'il te plaît. Le mot de la fin de Terence. C'était le jingle en direct. Hein. Tourtelette. Tourtelette, d'accord. Carabistouille et... Pisteron. Tu comprends le mot de la fin? Sisteron. Ok, ça sera tout pour toi. Kylian, le mot de la fin? Oui, nous, c'est Madame Ledoux. Non, mais si ça peut être un mot, le mot, au revoir. Le mot de la fin? Bah oui. Fin. Merci Kylian, c'était ton dernier mot à l'antenne d'Ilar FM cette semaine. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Merci d'avoir été aussi nombreux à réagir. On a eu beaucoup de réactions aujourd'hui au standard. On les a pas tous lus parce que voilà, on était un petit peu limité au niveau du temps et puis on a eu des canulars à faire, donc ça nous a aussi pris un peu de temps. Mais en tout cas, on va maintenant vous rendre les humoristes qui vous attendent maintenant jusqu'à minuit en direct sur Ilar FM. Il est 22h21. Comme d'habitude, on rend à la bourre, mais c'est ça qui fait la force de cette émission. Merci d'être là. On se retrouve la semaine prochaine. What's the sense in sharing? This one and only life.